Les supporters l'ont dit de manière très claire, et ça c'est extrêmement positif, sont conscients qu'il faut construire avec le club, construire aussi avec les pouvoirs publics, les conditions d'un retour de l'ambiance. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, parce qu'il y a tout un ensemble de questions qui se posent sur qu'est-ce qu'on fait des supporters qui sont déjà là actuellement au Parc des Princes, comment on crée les conditions d'un regroupement, dans quel secteur, comment on évite de retrouver les antagonismes du parc passé. Maintenant, si tout le monde travaille ensemble, on pourra peut-être trouver un Parc des Princes qui faisait le bonheur de nombreux amateurs de football par son ambiance dans les années 90-2000. En Formule 1, qualification pour le Grand Prix de Malaisie ce matin à 11h, heure de Paris. Alors Romain Grosjean sera-t-il prêt à effacer un dernier week-end catastrophique à Singapour ? Réponse avec Louis Amar. Le pire week-end de ma carrière. Voilà comment Grosjean avait résumé son Grand Prix de Singapour, marqué par une cascade de problèmes qui l'avaient empêché de prendre le départ. Arrivé en Malaisie, le sourire est revenu et le ton a changé. Ça va beaucoup mieux, je crois que le soleil s'est levé le lendemain et on met les choses en perspective, mais sur le coup, c'est vrai que c'était compliqué. Mais dès hier, en essai libre, retour des ennuis et du mystère, sa voiture n'avance pas et personne ne comprend pourquoi. On a vraiment souffert avec un comportement qui ne me convient pas du tout. On est très loin de là où on devrait être. Là, c'est sûr qu'une seconde autour, ça fait beaucoup. Une seconde de plus que son équipier Esteban Gutiérrez qui trouve lui la voiture très performante, réponse cinglante. Peut-être que quand une 13e ou une 14e place lui convient, ça ne me convient pas. Romain Grosjean n'a terminé qu'une fois dans les points sur les 11 dernières courses. Au plan sportif, l'éclaircie a peu de chances d'apparaître ce week-end et l'entente cordiale entre les deux pilotes ne semble pas non plus à l'ordre du jour. RMC, 6h, passé de 9 minutes tout de suite. François Sorel pour le week-end des experts et les pronostics, François. Bonjour Claire, en effet, un tiers s'écarté, quinté plus cet après-midi à Chantilly. Et Sébastien Arras fait confiance au 15 Super City et au 10 Santa Manza. Brahim Asloum reste fidèle au 3 Écureuil et Laurent Godard, quand on lui retient le 4 Roero et le 13 Indicas. Le 15, le 10, le 3, le 4 et le 13. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, 6h-8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Eh bien ça y est, c'est le week-end, il est 6h10. Bonjour à vous toutes et à vous tous, et en ce 1er octobre 2016, je suis ravi de vous retrouver. On va passer ce samedi et dimanche matin ensemble, toujours avec énormément de plaisir. 6h, 10h avec les experts, les meilleurs. Vous savez qui sont là le samedi et le dimanche. Les animaux et l'automobile demain. Tout à l'heure, ce sera la maison avec Christian Pessé. Christian qui, vous le savez, est notre expert bricolage maison déco. Et avec Christian, tout à l'heure, on va parler du dépannage. Oui, parce que vous le savez, c'est quelque chose dont on a besoin quand un appareil est en panne. Est-ce que tous ces matériels domestiques qu'on achète aujourd'hui sont réparables ? On parle aussi beaucoup d'obsolescence programmée. Est-ce qu'on peut pas se faire arnaquer quand on se fait dépanner rapidement un appareil ? On en parlera tout à l'heure. Et puis bien sûr, toutes vos questions bricolage maison déco, ce sera donc à partir de 8h sur RMC. Mais pour débuter, en ce 1er octobre, bien sûr, c'est le jardin. Patrick Mulan est là. Bonjour Patrick. Bonjour François, bonjour à tous et très bienvenue dans nos jardins qui sont assez ensoleillés encore. Oui. Bon, même si hier c'était une petite journée de pluie, mais ils avaient très soif, hein, donc c'était très bien. Bah là, je pense que là, au côté soif, c'est bon. Là, je suis pas sûr que ça suffit. Notamment, regardez bien dans les pots, hein, parce que ouais. Encore une fois, je dis souvent, lorsque vous avez des végétaux qui ont bien poussé, et ça c'est le cas, si on est en fin de saison, la pluie, elle ruisselle souvent sur le feuillage et elle tombe pas. Voilà, donc, on a l'impression qu'il a suffisamment plu. Et donc on n'arrose pas et puis tout d'un coup on voit les plantes. Alors regardez bien par exemple les extrémités de rameaux. Quand ça fait ça baisse un peu du nez, ça veut dire j'ai soif. Alors faites aussi très attention parce que ça peut vouloir dire l'inverse si vous avez la main trop lourde au niveau de l'arrosage et que l'eau ne s'évacue pas correctement de vos peaux. Voilà, petit conseil de départ, là, voilà. On part sur les chapeaux de roue. Patrick ne peut pas s'empêcher de vous donner des conseils et même avant de dire bonjour, il vous donne un conseil. Ah non, c'est ça qui est bonjour. Bon. Oui, c'est vrai. Au menu de ces 2 heures dédiées au jardin, les conseils de Patrick Mulan qui vont pleuvoir. Vous pouvez d'ores et déjà l'appeler au 3216 si vous voulez le questionner. 3216 ou jardin@rmc.fr. Et puis tout à l'heure, on va parler d'une chose que vous ne connaissez peut-être pas. Moi, je ne savais pas que ça existait. Des plantes label rouge. Voilà. Alors, moi, j'ai l'habitude, quand je vais faire mes courses, d'acheter un poulet label rouge, des trucs comme ça. Mais il existe aussi des plantes label rouge, voilà, qu'on peut planter. Alors, vous êtes tout excusé parce que, à part le gazon qui est label rouge, enfin, dégageons son label rouge depuis très longtemps. On avait jusqu'à présent que les dahlias. Et là, à partir d'octobre, là, on va avoir les rosiers. Et puis certainement, à Noël, on aura peut-être les sapins de Noël. Et l'année prochaine, on aura peut-être les géraniums. Et puis d'autres. Alors, on va parler de tout ça parce que, effectivement, le label rouge, ça veut dire quoi pour une plante d'ornement? Et puis, comment c'est attribué? Et puis, est-ce que vous pouvez les acheter les yeux fermés parce que vous êtes sûr que c'est mieux? Est-ce que ça coûte plus cher? Mais on sait qu'en termes de nourriture, ça a un vrai sens, le label rouge. On sait que, ah bah là, par vous exemple, allez voir qu'en termes de jardin, ça a un énorme sens, oui. On en parlera tout à l'heure. Les plantes label rouge, aussi efficaces que le jambon. Oui, puis alors, comme on rentre effectivement dans la saison de plantation, vous pouvez aussi nous appeler pour avoir des conseils de plantation. Parce qu'il est évident aussi que ces plantes label rouge, c'est pour qu'elles vous donnent pas de soucis au moment de la plantation. Exactement. Donc on va aussi jouer moment, à tout ça. Et c'est le moment, bien sûr. Ça commence, là. Oui, ça commence. Le 32-16, donc, voilà, vous savez tout. Soyez les bienvenus. On va retrouver aussi dans quelques minutes tout à l'heure la météo du jardinier. Que nous prévoit Météo France cette semaine? Soleil. C'est pas si mauvais que ça. Ah non, c'est non, pas mal. Ah non, plutôt très très bien. Attendez, François, on rentre dans le mois d'octobre. Ouais, là, c'est on cool. va. Alors, à part un peu le petit frisquet du matin, ce qui est normal. C'est normal. Bien qu'aujourd'hui, je pars à 5 heures. Mmh. 15 degrés. 15 degrés, ah oui. Wow. Pour un 1er octobre, c'est pas mal. C'est super. Et bien sûr, toute l'actualité dans le domaine du jardin tout à l'heure. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour les questions dans ce week-end des experts jardin. Et on souhaite la bienvenue à Damien en ce samedi matin. Bonjour Damien. Bonjour. Bonjour Damien, bienvenue avec nous. On vous écoute Damien. Alors, j'ai un mûrier platane. Oui. Que j'ai planté il y a 4 ans. Oui. Et en fait, quand il fait ses jeunes pousses, il a les jeunes pousses qui noircissent, qui sèchent et qui tombent. Ça, c'est en début de jeunes pousses. Et après, dans la saison, il y a des feuilles qui tombent, qui sèchent, qui noircissent et qui se recroquevillent. Et donc, il y a ça. Ma question serait, après cette première pousse donc qui est avortée, on va dire, est-ce qu'il y en a une deuxième qui est saine? Alors oui, ça. Mais par contre, ça contrarie le. Ah bah forcément. Forcément. Donc il y a ça, et en plus, là, au niveau du point de greffe, il y a un micro trou avec une coulée de sève. Oui. Bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, j'aime pas bien ça parce qu'il est fort probable que vous ayez une maladie qui est due à un champignon. On appelle ça une fusariose. On peut appeler ça aussi le chancre du mûrier. Alors, ce que vous devriez regarder, c'est s'il y a des petites zones crevassées qui encerclent la base des tiges qui meurent, avec des minuscules pustules un peu brun rouge. Ouais, donc on dirait qu'on a mis donc soit ça la pousse sèche tombe, voilà, soit ça se fait sur un rameau de l'année, ça se fait une trace noire dessous, oui. Et après ça fait comme si on avait mis un coup de scalpel. Et ouais, donc c'est, oui, donc ouais. C'est bien ça. Donc vous avez un problème de ce chancre. Alors le traitement, si on peut dire, il faut tailler tout ce qui est malade dès que vous le voyez pour revenir sur du bois sain. C'est-à-dire qu'il faut absolument essayer de retrouver quand on a la coupe, donc un bois qui est bien homogène, donc généralement c'est une sorte de jaune un peu clair ou vert un peu clair, et surtout brûler donc tout ce que vous avez coupé. Alors je conseillerais, moi, même si aujourd'hui certains contestent ce genre de travail, c'est de bien sûr de parer les plaies à la serpette. C'est-à-dire que si vous êtes obligé d'utiliser une scie pour couper, vous allez hacher la plaie. Donc il faut, avec une serpette, donc c'est un couteau de jardinier, bien visser cette plaie-là. Et puis on va mettre un mastic cicatrisant pour éviter évidemment la propagation de la maladie. C'est simplement, on est simplement capable de faire ça. Alors souvent, au départ, vous l'avez taillé plusieurs fois, votre mûrier? Taille de formation. Oui, alors c'est souvent ça qui a généré en fait l'apparition. Alors soit que l'outil ou les outils que vous avez utilisés étaient porteurs d'un germe ou n'avaient pas été bien nettoyés, etc. Soit la taille a été pas trop bien faite, un peu trop drastique, etc. Et on obtient cela. Donc le truc, c'est effectivement de retailler, mais de retailler maintenant très très proprement et de protéger les plaies. Sinon, bah, vous allez petit à petit perdre votre mûrier platane, parce que c'est une maladie quand même qui est extrêmement agressive pour l'arbre. Et on n'a pas de soins, on n'a pas de... De toute façon, maintenant, on n'a presque plus rien, et en 2019, on n'aura vraiment plus rien du tout pour soigner, ou quasiment plus rien. Donc vous pouvez tenter... Moi, je le ferais, ça, d'ailleurs, de tenter de faire une bouillie bordelaise au moment où les premières feuilles vont commencer à tomber. Parce que ça, c'est quand même un traitement que je préconise souvent sur les maladies cryptogamiques, qui a pour but de cicatriser la portion de pétiole, enfin l'articulation entre le pétiole et la tige, qui est souvent une zone d'infestation ou de fragilité pour faire pénétrer les spores de champignons qui sont assez graves comme celui-là. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire. Ça ne pourra que de toute façon être bénéfique à la plante. Et puis après, okay. Bon bah au printemps prochain, faites cette taille systématique de manière à aider la plante à ne plus avoir cette maladie. D'accord. Voilà Damien. Bonne journée Damien. Merci beaucoup. Et si tout comme Damien, vous voulez un petit entretien privé avec Patrick Mulhone, c'est très simple. Ça se passe au 32-16, quoi qu'il n'est pas tout à fait privé, parce que vous êtes quelques-uns qui écoutent en même temps. On va dire un dialogue. Voilà, et on peut se sentir concerné par les questions, en tout cas les réponses que vous donnez à nos auditeurs. Donc le 32-16, ou bien par mail aussi, hein, le mail fonctionne, vous pouvez à tout moment nous poser votre question. Rajoutez-nous une petite photo, si par exemple, atypiquement, on avait la question du mûrier platane de Damien, voilà, vous remarquez par exemple, je sais pas moi, des feuilles marrons, des choses comme ça, un comportement étrange de votre plante, vous le photographiez de manière assez précise, comme ça Patrick peut regarder ça, et ça sera plus facile après pour identifier le problème. Illustrer les symptômes, c'est toujours quand même mieux pour moi. Voilà, donc jardin@rmc.fr et du coup vous nous laissez votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Elisabeth sera là dans un instant, elle a des grappes de raisin, mais le problème c'est qu'elles ne sont pas toujours mûres et elle s'inquiète. On en parle dans un instant, à tout de suite. RMC 6h-8h, votre jardin. À l'occasion de la sortie au cinéma de Snowden, RMC vous invite à l'avant-première officielle du film. Les Américains ne rêvent pas d'être libres. Ce qu'ils veulent, c'est la sécurité. Coupable ou innocent? Ils nous surveillent? Nous sommes tous sur écoute. La NSA a placé sous surveillance tous les portables du monde. Pour gagner votre passe VIP, envoyez tout de suite VIP par SMS au 73216. 65 centimes par envoi plus prix du SMS, de SMS maxi. Snowden, le nouveau film d'Oliver Stone. Au cinéma le 1er novembre avec RMC. RMC jusqu'à 8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulhone. Le retour du week-end des experts du jardin, c'est RMC et Patrick Mulhone est toujours à mes côtés. Donc profitez-en, le 32-16 ou jardin@rmc.fr. Dans quelques minutes, on retrouvera Jérémy Suliman pour la météo, suivi des infos. Mais d'ici là, c'est Elisabeth que nous accueillons. Oula, ça résonne avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue. Oula, c'est mieux. Non, mais il faut se frotter la gorge. Cette saison. Allez-y. Je vous appelle là parce que je m'occupe d'une treille dans le jardin d'un ami. Nous habitons la banlieue bordelaise. Hein. Oui. Il s'agit d'un muscat de Hambourg qui a à peu près 10 ans. Bon, alors cette année, comme d'habitude, il a eu... il a été pas mal chargé en grappes, parce que c'est une variété généreuse, ça quand même. Mmh. Et actuellement... Ben, les grappes ne sont toujours pas mûres. Je comprends pas ce qui a pu se passer. Alors que moi, j'en ai dans mon jardin qui est à 2 kilomètres plus loin. Depuis début septembre, on peut en manger, il est mûr, quoi. Ben, là, ça dépend alors, de l'exposition de la plante. Oui. Ça dépend aussi... bien sûr, vous dites, moi, dans mon jardin, il est mûr. Ailleurs, il est pas mûr, c'est pas normal. Mais globalement, on a quand même eu une saison... extrêmement bizarroïde avec un printemps qui n'était pas un printemps et qui fait que globalement on a quand même une production plus tardive que d'ordinaire. C'est pas particulièrement étonnant. Alors derrière ça, il y a aussi une chose. Si vous avez une pousse de feuilles qui est très très importante parce que la plante est particulièrement vigoureuse et que vous n'avez pas taillé de manière à faire en sorte que les grappes soient vraiment exposées au soleil, ça, vous pouvez avoir un retard de maturité. Si vous avez absolument aucun autre symptôme important que ce retard de maturité, c'est-à-dire que s'il n'y a pas eu une attaque de mildiou, s'il n'y a pas eu une attaque d'oïdium, si la végétation est normale, faut prendre son mal en patience. On va encore avoir une très belle semaine, je le disais tout à l'heure, et dans la région bordelaise, vous aurez des températures qui vont dépasser les 20 degrés dans la journée, donc la maturité va continuer à se développer. Après ça, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Alors, il est aussi possible qu'à cause du printemps ou de l'exposition particulière de ce cep, eh bien, vous ayez eu au départ déjà de la végétation, déjà un retard de croissance et la plante a du mal à le récupérer. Mais honnêtement, faut pas s'inquiéter sur des comportements, on va dire, un peu aberrant des plantes lorsque la saison elle-même est pas tout à fait logique. Après, il y a eu aussi des périodes où il y a eu des grandes sécheresses. Bon, si vous l'avez pas bien arrosé un petit peu, ça aide quand même aussi à la maturité. Si la plante elle a souffert pendant l'été, il faut reprendre un peu ses forces pour arriver jusqu'à la maturité. Donc moi je suis pas particulièrement inquiet à ça. Moi j'ai dans notre jardin, on n'est pas dans la région bordelaise évidemment, mais on a des raisins là actuellement, ils sont pas mûrs. Voilà, je suis pas inquiet pour autant, ça arrivera bien. Alors moi sur ma petite terrasse à Paris, j'ai des raisins qui sont mûrs maintenant et les pigeons se régalent. Ah bah évidemment. Alors ça, allons-y. C'est incroyable. Alors, il y a un système, mon cher François, bon, qui est un peu désuet, mais que l'on faisait dans le temps et qui donne des bons résultats. Ça s'appelle l'ensachage. C'est-à-dire que au moment où vous avez vos grappes qui commencent à être formées, mais les grains sont totalement minuscules, on met des sachets de papier kraft qu'on attache individuellement Et la grappe grossit là-dedans. Voilà. Alors en revanche, c'est un défaut, c'est que la coloration du fruit, parce que ça se fait aussi sur l'ensemble des fruits, enfin pas sur les cerises, mais sur les pommes, les poires, le fruit se colore pas autant. Et oui, parce qu'il n'y a pas autant de lumière qui passe. Mais il est bon. D'accord, mais il est bon quand même. Oui. Merci Elisabeth, on enchaîne avec Joël maintenant. Bonjour Joël. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue. Bonjour Joël. Bienvenue Joël. Merci, c'est toujours plaisir à écouter vos émissions. C'est un plaisir de vous entendre Joël. Merci beaucoup. Et on vous écoute. Alors je vous ai envoyé une photo, je ne sais pas si vous l'avez concernant mon vasque de pétunia. Alors moi je ne l'ai pas pour l'instant, mais peu importe, allons-y. En ce mot, donc ça fait 2 ans qu'on essaie de mettre des pétunias dans un vasque. Donc l'année d'avant, donc il y avait des espèces d'asticots blancs dans la terre, c'était des hannetons ou autre chose comme ça. Donc on a tout jeté, on a recommencé. Au fond du vasque, j'ai remis des billes d'argile, j'ai mis de la terre et un petit peu de terreau avec, j'ai remis mes pétunias, mes pétunias, ils ne poussent pas en fait. En plus, c'est des pétunias tombants, qui auraient dû être tombants autour de la vasque. Alors, est-ce que vous les nourrissez? On les arrose. Oui, mais ça, c'est on se nourrit pas d'eau claire et d'amour. C'est clair. Donc, en fait, dès que vous êtes dans un contenant, que ce soit une vasque, que ce soit une jardinière ou un pot ou une suspension, vous avez quand même un volume de terre relativement faible. Bon, là, vous me dites, en plus, vous avez mis de la terre et un peu de terreau. Il est sûr que il est mieux de mettre au moins 2/3 de terreau et 1/3 de terre, parce que la terre de jardin, ses propriétés sont pas faites pour de la culture en pot. En général, c'est peu trop compact. Donc en général, on cultive les plantes en terreau. Et dans les terreaux du commerce, quand on les achète, la plupart du temps, ils sont enrichis avec un engrais, alors qu'il soit organique ou qu'il soit minéral. Et cet engrais permet au moins, je dirais, pendant 1 à 2 mois qui suivent la plantation, de nourrir la plante. Mais après, en milieu de culture, bien, il faut apporter de l'engrais. Et les pétunias, notamment les pétunias retombants, on appelait ça des surfinias ou autre chose, ou des million bells, etc., sont des pétunias qui sont extrêmement gourmands. Et mon conseil, il est tout bête, je le dis très souvent, mais on a des bons résultats avec ça, c'est d'arroser les vasques, les jardinières, les potées, avec une solution d'engrais extrêmement diluée. Vous achetez un engrais géranium du commerce, liquide, et vous mettez un bouchon L'équivalent d'un bouchon qui est normalement la dose pour un litre et demi, dans un gros arrosoir. Un arrosoir de 8-10 litres. Et vous arrosez chaque fois avec ça. Ça vous fait une fertilisation régulière et ça vous permet à la plante vraiment, vraiment de se développer très bien. Toutefois, il faut savoir que le pétunia, c'est pas aussi facile que ça. Les pétunias aiment pas du tout avoir, on va dire, des alternances de périodes sèches avec de la grosse humidité. Ça pourrit facilement si on arrose de trop. D'accord. Et ça se dessèche très facilement si on n'arrose pas. Donc ça aussi, il faut bien regarder. Vous voulez que je vous dise un secret? Cette année, moi, j'ai raté les miens, mais alors, en beauté. Alors que de l'autre côté, on avait des sutéras, là, qui sont toujours en fleurs maintenant, qui sont magnifiques. C'est pas toujours très facile parce qu'il y a pas mal de maladies qui viennent sur les pétunias. Donc un sol bien drainant, un bon terreau qu'on change tous les ans. J'insiste là-dessus. C'est important. Merci Joël. Bon, Patrick, la météo, les infos, on est de retour dans un instant et on poursuivra bien sûr avec vos questions que vous pouvez nous poser dès maintenant au 32-16. Et puis notre météo du jardinier aussi, hein, que nous réserve la météo pour la semaine qui vient dans le jardin. On voit ça dans quelques instants. À tout de suite. Rejoignez les experts jardins sur leur page Facebook, Votre Jardin sur RMC. RMC. Ce week-end, les Formule 1 roulent le matin pour le Grand Prix de Malaisie à Sepang. Ce matin à 11h, les qualifs. Et demain, dès 9h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon de braquage! Twingo est à partir de 99€ par mois, sans condition de reprise, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes du 13 au 17 octobre. French Touch touche française. Offre pour Twingo Life SE 70, LLD 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1 500€ si acceptation par Diac et SA. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Ouverture sans l'autorisation. Voir Renault.fr. Allez, la météo avec Jérémy Siliman que je salue. Bonjour Jérémy. Bonjour François, bonjour à tous. Eh bien, l'automne est là François, malheureusement. Et avec lui, eh bien, la grisaille et la pluie, c'est justement ce qui va dominer aujourd'hui sur une bonne partie du pays. Alors ce matin, on va retrouver des pluies orageuses tout autour de la Méditerranée. Attention d'ailleurs, je vous rappelle que les Bouches-du-Rhône et le Gard sont toujours placées ce matin en vigilance orange, orage et inondation. Ailleurs dans le pays, au nord de la ligne Nord-Aquitaine, Grand Est, de la pluie, des averses localisées parfois entrecoupées d'orages et d'éclaircies. Les plus chanceux seront en Île-de-France, en centre-Val de Loire ou encore dans les Pays de la Loire ce matin où l'on attend de belles éclaircies. Et puis cet après-midi, le temps reste à l'orage dans le sud-est, sur la Corse, dans temps instable également aussi dans le Massif central, l'Alsace et la Franche-Comté. Même chose sur le littoral attendu du côté de la Manche. Ailleurs, le ciel sera beaucoup plus clément, alternant entre averses et éclaircies. Les températures globalement, c'est frais au nord, clément au sud. Ce matin, elles sont comprises entre 9 et 18 degrés. Cet après-midi, entre 16 et 26. Il fera notamment 17 degrés à Lille, 18 pour Paris, 19 degrés à Strasbourg, 23 à Marseille et la maximale, bien François, elle sera à Ajaccio avec un grand 26 degrés. Ça m'étonne pas. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. C'est RMC. Il est 6h30, un point sur l'actualité avec Claire Checaglini. Bonjour Claire. Bonjour, un adolescent de 15 ans placé hier en détention provisoire après avoir été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Ce collégien inconnu des services de renseignement avait été interpellé mercredi dans le Val-d'Oise. Il était en lien avec Rachid Kassim, le propagandiste de Daesh. Un véritable sanctuaire à la gloire de la voiture ouvre ses portes aujourd'hui à Paris. Coup d'envoi du mondial de l'automobile à 10h. Plus d'un million de visiteurs attendu durant 15 jours, porte de Versailles, pour découvrir la voiture de demain. Plus de 10 000 bureaux seront ouverts pour la primaire de la droite et du centre. Ils pourraient accueillir le 20 novembre près de 4 millions d'électeurs. Plus que quelques heures pour les pinces sympathisants écologistes qui veulent participer à la primaire d'Europe Écologie Les Verts cette fois. Ils doivent s'inscrire sur le site du parti pour prendre part au scrutin qui départagera les 4 candidats en lice. Le prix du gaz repart à la baisse, moins 0,8% en moyenne après 3 mois de hausse. Une bonne nouvelle pour le portefeuille de 6 millions de consommateurs. Ils sont pour la chasse, la corrida et sont les défenseurs des traditions du Sud-Ouest. 10 000 manifestants sont attendus aujourd'hui à Mont-de-Marsan pour une journée de mobilisation autour de la culture landaise. La Deutsche Bank en passe de trouver un accord avec les États-Unis. La première banque allemande devrait voir son amende divisée par 3. Le montant correspond à la somme qu'elle avait déjà provisionnée. La Jamaïque et Haïti se préparent au pire. L'ouragan Matthew est plus menaçant que jamais. Il vient d'être classé en catégorie 5 sur une échelle de 5. Football, 8e journée de Ligue 1 et victoire à l'arraché de Rennes hier soir lors du derby breton face à Guingamp. But de Diakabi à la 93e minute. Cet après-midi, le PSG reçoit Bordeaux, mais tout autant que les joueurs sur le terrain, ce sont les tribunes qui seront scrutées. Une poignée d'ultras du PSG a de nouveau été autorisée à se rassembler dans les tribunes du Parc des Princes, donc une première depuis 2010. En Formule 1, qualification ce matin pour le Grand Prix de Malaisie. Rendez-vous sur RMC à 11h. Pour l'heure, il est 6h32, l'heure de retrouver François Sorel. Merci beaucoup Claire et vous revenez à 7h, bien évidemment, pour toute l'actualité sur RMC. D'ici là, le jardin, 3216, jardin@rmc.fr. Patrick Miula, notre expert jardin, est là. Profitez-en. À tout de suite. Quand on vous dit qu'on peut écouter RMC partout, quand on vous dit qu'on peut écouter RMC tout le temps, c'est vrai. RMC s'écoute n'importe où et à n'importe quel moment sur les applis, tablettes et smartphones et sur rmc.fr. Attention, monsieur Miu Miu, c'est l'heure de la question flash. En moins de 2 minutes, maintenant, vous vous engagez à répondre à la question suivante. C'est celle de Priscilla, qui habite Orléans. On m'a offert, Patrick, cet été, une fougère arborescente que j'ai installée dans un grand pot. Que dois-je faire maintenant? Alors maintenant, rien, parce que... Rien. Parce qu'en fait, les conditions climatiques sont encore bonnes. En revanche, il faut être attentif. Donc, nous avons aussi dans notre jardin des fougères arborescentes et nous avons une méthode, une technique qui donne ses résultats valables depuis plusieurs années maintenant. On suit effectivement bien la météo. Ça, c'est quand même quelque chose pour tous les jardiniers qui cultivent des végétaux un peu délicats. Il faut faire attention. Le Dicksonia antarctica, donc c'est la fougère arborescente la plus classique que l'on cultive et qui vient de Tasmanie, ça résiste à moins 6, moins 7 degrés. Ouais. Et donc, tant qu'on vous annonce pas un moins 5, par exemple, vous devez la laisser dehors en maintenant toujours quand même une légère humidité. Alors, plus il fait frais, moins on arrose quand même, mais c'est une plante quand même qui aime bien cette moiteur. Dès que on va avoir les premières fortes gelées, là, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on ratiboise complètement les frondes et on ne laisse que le stipe, donc ce qu'on appelle le tronc, et ça, la plante va rentrer dans la véranda où elle va se trouver entre 7, 8 et 15 degrés maximum dans la journée. Donc, pas dans la maison, parce que là, il ferait trop chaud, et elle va petit à petit reprendre vie au cours de l'hiver, et à la sortie de l'hiver, les frondes les premières se développent de nouveau, et la plante ressort dès le mois d'avril de manière à pouvoir, vivre dehors. Parce que l'extérieur, quand même, la moiteur, les différences de température entre le jour et la nuit, c'est quand même ce que la plante a besoin. Et une chose, on arrose quand même l'hiver. N'oubliez pas. Ça, c'est important. Le 32-16, pour toutes vos questions jardin sur RMC. Allez-y! On vous attend. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 732-16. 65 centimes par envoi, plus près du SMS. RMC, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Et c'est reparti pour votre rendez-vous jardin sur RMC. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Il est 6h35 et en ce samedi matin, on pense non seulement à tous ceux qui travaillent et qui sont d'ores et déjà au boulot, peut-être pour certains d'entre vous depuis quelques heures, et puis tous ceux qui viennent de se réveiller parce que le samedi matin, la France travaille. Il y a beaucoup de gens qui vont au boulot. Donc on vous salue et merci d'être fidèle à ce rendez-vous. 6h, 8h le jardin et puis tout à l'heure, ce sera la maison avec Christian Pessé entre 8h et 10h. C'est le week-end des experts. Notez que tout à l'heure dans ce rendez-vous jardin, entre 7 et 8, on va parler des plantes label rouge. Un label de qualité, mais que veut-il dire exactement? On va en parler tout à l'heure. Est-ce que les plantes label rouge seront plus belles que les autres plantes? Ça devrait. Ça devrait. On va se poser la question tout à l'heure parce que j'imagine que le prix ne doit pas être le même. Oui, alors on va voir aussi, c'est pas forcément aussi énorme que ça. D'accord. Bon, ce sera entre 7h et 8h. Et si vous avez des interrogations sur ces plantes label rouge, dès maintenant, vous pouvez nous appeler au 3216. On passera votre question tout à l'heure. La météo du jardinier dans un instant. Que faire au jardin aussi? Mais d'ici là, c'est David que nous retrouvons, qui nous a appelé au 3216. Bonjour David. Bonjour. Bonjour David, bienvenue. Merci. Bonjour. Écoute. Bah écoutez, en fait, je viens d'acheter une petite maison. J'ai un petit jardin, c'est pas très grand. Et dans ce jardin, il y a des bambous noirs. Oui. Et j'ai un jardinier qui est venu, il m'a dit que c'était. Ces mots, c'est la merde, ces genres de plantes, parce qu'en fait, les racines sont super puissantes. que ça se propageait partout dans le jardin et ça risquait de d'aller sous la terrasse et de décasser les verres. Alors, il a tout à fait raison. Philostachys nigra, donc, qui est le bambou à chaume noir, le chaume c'est en fait la tige du bambou, est un bambou que j'ai malheureusement eu l'occasion d'avoir dans notre jardin. C'est capable de traverser un dallage en souterrain pendant plusieurs mètres, 5-6 mètres, et puis de ressortir au bout. Donc là, c'est pas... c'est souvent les rhizomes, hein, c'est pas les racines qui font ça, donc ce sont des tiges souterraines et qui ont la particularité effectivement de bourgeonner chaque fois qu'elles peuvent et donc la plante se propage très rapidement. Un Philostachys nigra, ça fait 6-7 mètres de hauteur quand c'est adulte. Alors, c'est super joli en fait, donc voilà, ça, non mais c'est ça m'embête, en fait, Moi je les arracherai pas, mais il existe des systèmes qu'on appelle des barrières anti-rhizomes qu'il faut absolument mettre de manière à limiter les possibilités d'invasion du bambou. Donc ces barrières anti-rhizomes, lorsqu'elles sont sous forme de toile, elles sont totalement inefficaces. En revanche, il faut utiliser donc des barrières anti-rhizomes qui font à 70 cm de hauteur, et on va les mettre en profondeur, évidemment, et qui sont en plastique semi-rigide. Donc ça, ce type-là, vous le trouvez notamment sur le site de la bambouseraie de Prafrance. Vous tapez bambouseraie et vous pouvez trouver ça. Ça s'appelle, je crois, bar BAR 70 pour 70 cm. Alors, on les plante, ces morceaux de plastique, verticalement sur l'endroit que l'on souhaite délimiter pour le développement des bambous. D'accord. Okay. Et on fait en sorte que ça dépasse à peu près de 3-4 cm la surface du sol, parce que en fait le bambou il est malin. Ce qu'il va faire, c'est qu'une fois qu'il va voir qu'il ne peut pas pénétrer à travers la barrière, sa tige, donc souterraine, son rhizome va remonter le long de la barrière et va essayer de passer par-dessus. Et à ce moment-là, il est très simple de le voir. On regarde de temps en temps, on va dire une fois par mois ou même une fois tous les deux mois. Quand on en voit un qui commence à vouloir passer par-dessus la barrière, ben on prend un sécateur et quick, on le coupe et ça va très vite. C'est la meilleure façon de le faire, surtout si vous appréciez les bambous noirs. C'est vrai que c'est très joli et notamment... Très joli, franchement. Ça a rendu super dans le jardin, donc ça m'embêterait de les arracher. Mais il faut les limiter, parce que sinon, vraiment, vous en avez partout. Ça, c'est vrai. D'accord, bah, écoutez, c'est très gentil, merci de votre conseil. Bonne journée, David. Merci à vous. À bientôt. Allez, au revoir, bonne journée. Et si tout comme David, vous voulez poser votre question à Patrick Mulan, allez-y, le 3216 ou jardin@rmc.fr, il est 6h40. Patrick, il est temps de jeter un œil sur notre météo du jardinier en ce samedi 1er octobre 2016, avec un soleil qui, oulala, va se lever de plus en plus tard. 7h50, vous rendez compte, dans 1h10. Pour se coucher à 19h28, on perd encore 4 minutes de soleil. Ouais, toujours 4 minutes. Et oui, ça, avec 11h38 d'ensoleillement, c'est vrai que là, on commence à plonger un petit peu. Mais c'est normal, hein. Rappelons que l'automne, ce sera de quoi, dans 3 semaines à peu près, c'est ça? L'automne, c'est déjà là. Ah, ben oui, depuis c'est vrai, le 21 septembre. Mais oui, bien sûr. Non, je confonds avec le changement d'heure. Ah oui, le changement d'heure. Le passage à l'heure d'hiver, c'est dans 3 semaines. Pardon. Oui, là, ça sera carrément, là, presque ça va être, l'hiver. Ouais, ça va être violent. Clair. Ça, c'est clair. Alors donc, 275e jour de l'année, 10e jour du mois de Vendémiaire pour les républicains, le calendrier républicain français. 9e jour du signe astrologique de la Balance. Journée internationale de la personne âgée. Oui, des Nations Unies. Et puis on dit aussi que c'est la journée internationale de la musique. Alors ça, je connaissais la fête de la musique. Mais la journée internationale de la musique, pourquoi pas. Puis on fait une bise au Ariel aussi. Visiblement, c'est la Saint-Ariel aujourd'hui. Et Rémi. Ouais. Alors, on va fêter la fête nationale en Chine, à Chypre, au Nigeria et au Tuvalu. Bah tiens, c'est ce que c'est, le Tuvalu. Le Tuvalu. Tuvalu, c'est un petit archipel polynésien, un des plus petits pays du monde. Ça a l'air pas mal. Ah oui, pour les vacances. Ouais, c'est bien. Donc à la Saint-Rémy, la chaleur de l'été est finie, ce n'est pas tout à fait vrai. À la Saint-Rémy, la grande chaleur est partie. Alors la grande, oui, ça c'est sûr. On dit aussi à la Saint-Rémy, le mauvais temps commence, tant pis. Eh ben vous allez voir que c'est pas vrai. Et à la Saint-Rémy, on oublie les fourmis. C'est pas vrai, parce qu'hier j'en ai vu aussi plein dans le jardin. Donc vous voyez que les dictons sont pas toujours réels. Alors, à partir de dimanche, on aura des matinées qui vont être un peu automnales. Je disais ce matin qu'à 5h, on avait 15 degrés en banlieue parisienne. Là, on va descendre sous les 10 degrés dans beaucoup, beaucoup de régions, avec un minimum de 8 dimanche. Mais en Méditerranée, on aura encore 16 à 18 degrés au lever du jour. Quelques petites gouttes en matinée de l'Île-de-France à l'Alsace, mais pas grand-chose. Et de très belles éclaircies prévues partout, avec un petit 25 degrés en Corse. Et puis, hop, en soirée, ça se rafraîchit. Donc, le premier conseil, c'est que à partir de maintenant, on n'arrose plus le soir. D'accord. On arrose plutôt en milieu de matinée. Bah oui, il faut attendre que la température remonte au-dessus des 10-12 degrés pour arroser. On est dans la bonne période pour planter les bulbes à floraison printanière. Donc, c'est quoi? Les tulipes, les narcisses, les jacinthes, les muscaries, etc. On plante aussi les grimpantes, les vivaces, les conifères, les rhododendrons, les arbustes à petits fruits, les framboisiers, les groseilliers. Les oignons blancs, l'ail rose si vous avez un sol léger, et puis tout ce qu'on appelle les bisannuelles, donc les pensées, les pâquerettes, les myosotis, les giroflées, et puis tout ce qui est d'automne, les asters, les carex, les choux décoratifs, les chrysanthèmes, tout ça, faites-vous plaisir, en automne il y a plein de trucs vraiment sympas pour le jardin. À partir de lundi, de nouveau un rafraîchissement le matin. On aura un minimum de 5 dans le massif central. 5 sous-abri, c'est presque zéro. Hein. C'est pas terrible, bon, dans le massif central sol. Aussi. Oui, hein. oui. Et puis on est toujours à 14-16 degrés sur la météo. Toujours grand beau soleil durant toute la journée. Température de 16 à 25 degrés. Donc pour le jardin, vous pouvez vous en donner à cœur joie. Mais encore une fois, n'oubliez pas d'arroser, parce qu'on est un peu limite en eau quand même dans pas mal de régions, en dépit des pluies qu'on a eues hier vendredi. Alors, mardi, on remonte un peu. On est à 6-9 degrés, mais on a toutes les régions du centre et de l'est qui sont fraîches. Et puis, la douceur qui s'installe sur les côtes. On aura de 13 à 16 degrés dès le lever du jour, qu'on soit en Bretagne ou qu'on soit dans le Pays Basque, et puis, a fortiori, en Méditerranée. Très très beau soleil, réelle douceur, de 17 à 25 degrés. On aura 25 à Perpignan. Et puis, on va avoir un ciel très dégagé la nuit. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, à partir de cette saison, quand le ciel est dégagé la nuit, il fait un peu plus frais pendant la nuit. Bah, de toute façon, on a un véritable été indien. Oui, il faut en profiter pour jardiner. Mmh. Alors, n'oubliez pas aussi de nettoyer un peu tout. Hein. Maintenant, quand même, bon, les premières feuilles qui tombent, vous pouvez déjà les ramasser. Ça fait pas de mal. Et puis, les mettre au compost si elles sont saines. Similaire à la journée de la veille mercredi, on aura toutefois du mal à atteindre les 20 degrés dans la moitié nord, mais c'est quand même pas mal pour le début du mois d'octobre. Après, à partir de jeudi, on a un vent d'est qui va rafraîchir l'atmosphère. On va descendre jusqu'à 4 degrés sous abri en Champagne. C'est vrai, aussi en Champagne, ils ont l'habitude d'avoir des matinées fraîches. Oui. Et hormis en bord de mer, dans les régions et les régions plus au sud, on sera plutôt sous les 10 degrés en matinée. Très très beau ciel, bien dégagé, donc très beau soleil pendant toute la journée. Grosses amplitudes thermiques, hein, on dépassera les 10 degrés entre le matin et l'après-midi. Donc ça veut dire souvent aussi au matin une espèce de petite rosée qui va commencer à être sur les feuilles et tout ça. Ça peut favoriser la pourriture. Alors si vous avez encore des tomates, elles devraient continuer à mûrir, mais il faut vraiment qu'elles soient exposées au soleil pour qu'elles se débarrassent de cette humidité qui risque de les faire pourrir en fait, sans ça. Voilà. Et puis on sera vendredi pareil aussi que la veille, donc on est vraiment dans une belle accalmie de beau soleil, de bel été indien, donc jardiner tout votre sou, il n'y a pas de problème. Voilà, pourvu que ça dure. Il y aura un moment où ça va s'arrêter, oui, ça va forcément. S'arrêter, c'est clair. Mais cela dit, on a eu quand même l'année dernière un bel... Là, on a besoin, parce que quand on voit que le printemps n'a pas existé, mais de toute façon, si je me rappelle bien, je vous l'avais dit, c'est que globalement, quand vous regardez les moyennes, ça se finit par s'équilibrer. C'est clair. Donc, de toute façon, on reviendra sur nos pattes, donc on peut penser qu'on aura encore quelques belles journées. Il est 6h46, c'est RMC, on revient dans un instant. À quelle période tailler la vigne vierge? C'est justement l'interrogation d'Eric. On va retrouver Eric dans un instant sur RMC, dans ce week-end des experts, 32-16, jardin@rmc.fr. A tout de suite. RMC jusqu'à 8h, votre jardin. Chaque samedi, RMC PMU.fr présente les courses RMC. De 13h à 14h, une heure avec les experts de la Dream Team RMC pour en savoir plus sur les courses hippiques du week-end. Tout à l'heure, 13h, 14h, les courses RMC, le rendez-vous des parieurs hippiques, uniquement sur RMC avec PMU.fr. PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby avec des portes ouvertes exceptionnelles du 13 au 17 octobre. Pilier de la sélection, nouveau scénique, impressionnant de design et de technologie. Et oh joli, Twingo, Capture et Mégane au meilleur de leur forme avec Easy Pack. Oui, Easy Pack, sans apport, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Voilà qui promet de très belles portes ouvertes. French Touch, touche française. Easy Pack, pack tout inclus. Ouverture dimanche 16 selon autorisation dans le réseau participant. Voir Renault.fr. RMC jusqu'à 8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Nous sommes de retour. Il est 6h48, c'est RMC. Et c'est le week-end des experts, le jardin. Dans quelques instants, météo, info. Tout à l'heure, on découvrira des plantes label rouge. Et oui, ça existe. Il n'y a pas que le jambon et le poulet. Il y a aussi des plantes label rouge. Voilà. On verra que vaut en fait ce label. Hein. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que forcément, on se retrouve avec des plantes de meilleure qualité? Est-ce qu'elles sont beaucoup plus chères? Vous allez voir que c'est très très sérieux. C'est pas fait n'importe comment. On met pas une étiquette comme ça, label rouge, quand on veut. Non. Oula. J'imagine, on en parle tout à l'heure entre 7 et 8. Ici, vous avez d'ores et déjà des questions sur ce fameux label rouge qui arrive sur les plantes, 3216 ou jardin@rmc.fr. Mais d'ici là, vos questions, Eric nous attend. Bonjour Eric. Allô. Oui, bonjour. Oui, Eric, bonjour. Bonjour Eric. Bonjour à vous deux. Bienvenue. Ravi de vous avoir à l'antenne. Donc je vous appelle d'un petit village de l'Allier qui s'appelle Sussa, donc situé au sud de l'Allier. Et il pleut ce matin, donc vous avez parlé de la Saint-Rémy, je crois. Oui. Donc à Saint-Rémy, dans l'Allier, il y a la pluie. Hein, donc pour la première fois depuis de nombreuses journées, ça va nous faire du bien. Tout à fait. Voilà, donc ma question, c'était mon problème. Et donc ma question, c'est ma vigne vierge que j'ai plantée il y a une dizaine d'années sur les pignons, au pied des pignons de ma maison qui n'avaient vraiment pas une belle apparence. Le crépi était vraiment pas beau. Donc pour le plaisir, j'ai planté ces pieds de vigne vierge, donc ils se sont beaucoup développés et qui sont montés jusqu'en haut des pignons. Oui. Et alors bien entendu, je me suis un petit peu débordé là. Je suis pratiquement obligé de les tailler en haut pour pas que ça aille sur les tuiles 2 à 3 fois. Donc j'avais pensé qu'à une certaine période de l'année, peut-être que ça pourrait réduire le nombre de tailles si je taillais au bon moment. Parce que là, j'ai taillé un mois après le début de la pousse. J'ai retaillé encore au mois de juillet et puis ça a encore repoussé. Et puis là, on arrive au mois d'octobre et ça continue à pousser. Donc je me demandais s'il n'y avait pas une saison... Qui est un moment miracle qui ferait que la vigne vierge va arrêter de pousser. Bah non, non, parce que de toute façon, la taille stimule la croissance. Hein, de toute façon, donc... Quand vous coupez, vous stressez un peu la plante, mais après du coup elle réagit et hop, elle redémarre de plus belle. Donc le truc, si on veut pas qu'elle pousse de trop, faut déjà ne pas trop la nourrir. Donc faut pas mettre d'engrais, faut pas mettre de compost, faut pas mettre tout ça. Faut laisser la plante dans le sol d'origine. Mais une vigne vierge, c'est quand même naturellement un végétal de grande puissance. Donc de toute façon, vous aurez toujours à le tailler. Bon, l'idéal, c'est quand même généralement d'intervenir en hiver, parce que d'abord, il faut profiter quand même de la belle couleur automnale que prend cette plante. Ah oui, et puis, une fois que le feuillage est tombé, c'est aussi plus pratique souvent d'effectuer la taille, mais vous avez raison. Il faut se méfier quand même de la volonté un peu conquérante de ce type de plante qui a tendance aussi à s'immiscer sous les tuiles, etc., qui peut provoquer des dégâts au niveau de la maison. Donc c'est une question de surveillance. Alors ce que vous pouvez faire souvent, il y a des gens qui font ça, mais bon, il faut avoir la possibilité de le faire, c'est-à-dire d'avoir un rebord au niveau du toit. Au lieu que la vigne vierge dans ces cas-là monte sur le toit, eh bien elle va se retrouver à être obligée de redescendre, et donc à ce moment-là elle retombe. Oui. Exactement, et ça donne un effet quand même qui est pas désagréable visuellement, et ça vous limite aussi la taille. Donc ça, si on peut faire ça, c'est bien. Si on peut... Oui, un genre de rive, alors. Voilà, c'est ça, oui. Un genre de rive, oui, en bord de toit. Oui. Exactement. Oui, parce que là, ça devient fastidieux, puis en plus, l'âge arrivant, monter à une échelle à 5 ou 6 mètres de hauteur, ça commence à devenir un petit peu problématique. Donc c'est vrai que au moins souvent j'aurais à le faire, au mieux ce serait, et ça me ferait peine de la couper ou de la rabattre à des hauteurs un peu plus basses, donc ce serait dommage. Vous pouvez le faire aussi. Une autre solution, c'est de la rabattre plus bas et d'intégrer à ce moment-là sur le mur un treillage qui lui ne serait pas posé verticalement, mais qui serait aussi légèrement en débord, un peu obliquement, de manière à ce que la Vierge, elle monte de travers, elle continue visuellement à habiller le pignon de la maison, mais après elle redescend au lieu de grimper sur le toit. Oui. Ah oui, c'est une bonne idée. Voilà. Puis ne l'arrosez pas non plus pendant l'été, non. etc. Laissez-la souffrir un peu, de manière justement à bloquer un peu ses velléités de conquête. Mais c'est vrai que pendant les périodes de sécheresse, notamment l'année dernière, au mois d'août, je crois, et cette année au mois de juillet, où il est resté près de 5 semaines sans pleuvoir, j'ai eu tendance à lui mettre un petit arrosoir, à leur mettre un petit arrosoir au pied quand même, de temps en temps, de peur de les voir crever. Bah, non, mais c'est-à-dire que ça, faut pas faire comme ça. C'est-à-dire que la plante, on dit, on va la faire un peu souffrir. Donc, si on a une longue période de sécheresse et que vous commencez à voir deux choses. Un, que les feuilles prennent des couleurs d'automne en plein été. Donc ça veut dire que la plante, elle est franchement stressée. Ah oui. Et surtout, que les plus jeunes tiges, elles se flétrissent vraiment. Là, vous devez arroser, parce que ça veut dire que vraiment, la plante, elle en peut plus. Mais une plante aussi vigoureuse que la vigne vierge, et notamment la vôtre, elle peut supporter quand même des moments un petit peu d'agression. Hein, oui. Donc, et comme vous voulez qu'elle se modère, bah le simple fait de l'arroser en été, bah vous favorisez sa croissance, hein, c'est tout. Hein. Merci Eric. Voilà, et si tout comme Eric, vous voulez joindre Patrick, c'est le moment ou jamais, 3216, ou jardin@rmc.fr. Ouais, c'est la semaine prochaine. Oui, bien sûr, mais il nous reste encore quelques minutes. Et puis, si vous avez des interrogations concernant les plantes avec ce fameux label rouge, donc qu'on va découvrir dans quelques minutes, eh bien n'hésitez pas. Là aussi, le 3216 est à votre disposition, ou bien jardin@rmc.fr. Maurice est là, bonjour Maurice. Bonjour messieurs. Bonjour Maurice. Bonjour Maurice. J'habite à côté de Montpellier et j'ai un phénix, un palmier, qui fait à peu près 8 à 9 mètres de hauteur. Et je me pose la question, comment est-ce qu'il faut le tailler? Comme ça fait un an que je suis dans la région, est-ce qu'il faut le tailler? Oui, alors en général, on va tailler. Alors les phénix, ce sont, pour ceux qui connaissent pas, ce sont les dattiers des Canaries. Hein, ces magnifiques palmiers qui font de très longues palmes comme ça, qui retombent un petit peu et qui donnent un peu l'impression d'exotisme, encore plus que les palmiers à feuilles palmées, hein, à feuilles comme les trachycarpus par exemple qu'on voit un peu partout. Là, ceux-là sont vraiment très très beaux. Et pour qu'ils soient vraiment beaux, eh bien, il faut qu'ils développent petit à petit ce qu'on appelle le stipe, c'est-à-dire le tronc. Et ce tronc, il est formé avec la base des pétioles des palmes. Et donc, on a comme travail à faire sur les phénix de couper. Donc ça, il faut une scie pour faire ça, parce que c'est quand même dur. Et puis, il faut des gros gants, parce que vous avez dû remarquer, il y a des épines qui sont très très longues. Il faut tailler donc toutes les vieilles feuilles qui ont séché, qui sont plus jolies, et petit à petit, donc, ça vous permet d'avoir le tronc qui commence à monter. Et sinon, on fait rien au centre, hein, parce que le palmier, lui, il pousse par rapport au cœur central. Le bourgeon central qu'il y a à l'extrémité du stipe, c'est lui qui crée toute la vigueur, tout le développement du palmier. Mais c'est un travail, ça dépend de la dimension. Monsieur, je crois. Comment? C'est assez minutieux parce que où je vois dans mon entourage, ça fait vraiment très joli de le couper. Ah oui, faut le couper de façon très régulière. Alors c'est ça que j'allais vous dire, c'est soit bon, votre palmier est pas trop gros, donc au départ vous pouvez le faire vous-même. S'il est gros et qu'il est haut, le mieux, c'est quand même de faire appel à un professionnel, parce que, bah, d'abord, il faut souvent un équipement. Après, vraiment, il faut une scie de très très bonne qualité, hein, des scies plutôt style denture japonaise qui vont vous faire une coupe très régulière. Et puis, il faut avoir le coup de main et puis pas se blesser. Enfin, il y a quand même pas mal de choses là-dessus. Mais en même temps, honnêtement, il faut le faire, parce que sinon, après, vous allez avoir ce qu'on appelle un jupon, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les palmes qui sèchent, elles descendent le long du tronc. Alors sur certains palmiers, ça fait assez joli. Les Washingtonia, par exemple, ça se fait naturellement. Et en plus, eux, ils sont pas épineux. Mais sur les phénix, on le fait pas, parce qu'effectivement, les épines, elles sont encore plus dangereuses quand elles sont sèches. Donc généralement, on fait ce travail-là, hein, quand même. Oui, d'accord. La dernière question, je vois quelques-uns, ils font des boules jaunes. Moi, le mien, il en a pas. Ça, c'est des fructifications. Alors, soit votre palmier est trop jeune, Soit bon, il a peut-être pas assez de soleil, etc. Mais il faut quand même atteindre une certaine maturité, hein, parce que c'est comme pour les humains ou les animaux, il y a ce qu'on appelle la maturité sexuelle. Donc, si le palmier est encore juvénile, bah, il fructifie pas, c'est normal. Et quelques pousses, il vient se greffer, mais je pense que c'est les oiseaux qui viennent nicher des. Il y a des plantes quelquefois. Oui, mais laissez ça parce que c'est vraiment très joli. Vous avez souvent des petites fougères, etc., qui se développent à l'intérieur. Alors ça fait comme des écailles en fait. Quand le stipe du palmier, quand vous avez coupé les bases de pétiole, c'est pas encore resserré. C'est-à-dire qu'il y a des espaces entre les restes, quoi. Donc là-dedans, effectivement, il peut y avoir des petites fougères qui commencent à se développer. Et puis petit à petit, eh bien tout ça, ça se serre et ça va vous faire comme la base de votre palmier. C'est-à-dire ça devient vraiment très dur et homogène. Là, il n'y a plus rien qui peut pousser. Mais moi, je trouve ça assez esthétique de laisser sur les phénix pousser ces petites plantes là comme ça. Ça fait mignon. Bon, faut pas qu'il y en ait trop pour que ça gêne pas la plante. Mais en général, bon, le palmier, lui, ça lui est égal. Hein. Bien sûr. Ça l'empêche pas de pousser. Évidemment. Merci Maurice pour votre appel. Patrick, bientôt 7h, on va retrouver la météo et les infos. Et on revient bien sûr pour notre deuxième partie dédiée au jardin avec ces plantes label rouge qu'on va découvrir. Voilà, il existe un label rouge pour les plantes. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous jardiniers? Est-ce que c'est un intérêt? On va découvrir ça dans quelques instants. A tout de suite, c'est RMC. RMC, 6h-8h, votre jardin. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, bienvenue chez les Givrés. C'est loin, c'est froid, mais c'est leur choix. Au fin fond du Canada, ils vivent leur rêve de liberté dans des conditions extrêmes. Prisonnier des glaces, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24. Et c'est avec Jérémy Sullivan qu'on fait un point sur la météo de ce week-end. C'est pas joli joli aujourd'hui, hein, Jérémy? Exactement, François, on va le dire comme ça. C'est la grisaille et la pluie qui vont dominer aujourd'hui sur une majeure partie du pays. Ce matin, on va retrouver des pluies orageuses tout autour de la Méditerranée. Attention, je vous rappelle que les Bouches-du-Rhône et le Gard sont toujours placées ce matin en vigilance orange, orage, inondation. Ailleurs dans le pays, au nord de la ligne Nouvelle-Aquitaine, Grand Est, on va retrouver la pluie, des averses localisées pouvant être accompagnées localement d'orages. Les plus chanceux, finalement, eh bien, seront en Île-de-France, en centre-Val de Loire ou dans les Pays de la Loire ce matin, où l'on attend un temps nuageux entrecoupé par quelques rayons de soleil. Cet après-midi, le temps reste à l'orage dans le sud-est et sur la Corse. Temps instable également entre le Massif central, l'Alsace et la Franche-Comté. Même chose sur le littoral de la Manche. Ailleurs, eh bien, le ciel sera beaucoup plus variable, alternant aux traverses localisées et éclaircies. Les températures, globalement, c'est frais au nord, clément au sud. Ce matin, elles sont comprises entre 9 et 18 degrés. Cet après-midi, entre 16 et 26. Comptez 17 degrés à Lille, 18 à Paris, 19 à Strasbourg. On attend 20 degrés à Lyon, 23 à Marseille et la maximale est bien attendue pour Ajaccio en Corse avec 26 degrés. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 11h Formule 1, les qualifs du Grand Prix de Malaisie. 14h45, rugby top 14 Clermont-Castres. Et dès 17h, Intégral Foot Ligue 1 PSG Bordeaux et à 20h, les autres rencontres. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, il est 7h. À 7h, toute l'actualité, c'est avec Claire Tchekaglini. Bonjour Claire. Bonjour. Les ultras du PSG, de nouveau autorisés à se rassembler au Parc des Princes cet après-midi. Un retour aussi attendu que redouté. La voiture du futur sera électrique ou ne sera pas. Panorama des nouveautés du Salon de l'Automobile qui ouvre ce samedi. Des lignes de train qui ferment et ce sont des professionnels du tourisme qui s'inquiètent dans les Alpes. Ils attendaient cela depuis 2010. Les ultras, les supporters les plus bruyants du PSG, les plus fanatiques aussi, sont de nouveau admis à se rassembler au Parc des Princes. Ils seront donc dans les tribunes cet après-midi lors du match contre Bordeaux. Et les ultras comptent bien remettre enfin de l'ambiance au parc, Vincent Delcaiso. Des chants, des tifos et de l'ambiance en tribune. En ayant à nouveau le droit de se regrouper, une centaine de supporters du PSG va donner de la voix aujourd'hui. James est l'un d'entre eux. Avoir un regroupement des tambours et peut-être des mégas, d'avoir quelque chose de plus structuré, c'est ça l'idée et c'est ça l'objectif. De toute façon, on ne sera pas du tout dans le même contexte où on a des laps de temps, où il y a carrément un silence pendant des minutes, ça nous paraît interminable. C'est une première étape, mais c'est un changement radical, ça c'est sûr. Unai Emery est l'entraîneur du Paris Saint-Germain et il est ravi du regroupement des ultras en tribune. J'ai vu que toute la personne qui aime le PSG et qui fait bon comportement et il est avec nous, c'est bon pour l'équipe. Les joueurs, ils sont très contents que tous les supporters ils sont à les Parc des Princes. Toute l'énergie de tous, je crois que c'est bon. Un premier test qui pourrait bien donner lieu à un regroupement plus important des supporters ultra à l'avenir. Et retour au sport à la fin de ce journal. Un collégien de 15 ans a dormi en prison hier soir après avoir été mis en examen pour avoir voulu commettre une attaque djihadiste. L'adolescent inconnu des services de renseignement avait été arrêté dans le Val-d'Oise mercredi. Il avait été en contact sur la messagerie Telegram avec Rachid Kassim, le propagandiste de Daesh. La légendaire Deux Chevaux y avait fait ses débuts, tout comme la DS Citroën. Ouverture dans 3 heures maintenant du Salon de l'Automobile à Paris, Porte de Versailles. Il devrait accueillir plus d'un million de visiteurs curieux de connaître la voiture du futur. Et elle sera électrique, Anaïs Bouitcha. Volkswagen, d'abord, la marque allemande opère un virage après le scandale des moteurs truqués. Cette année, elle présente un prototype, l'ID, un modèle électrique capable de franchir jusqu'à 600 km entre deux recharges. Les constructeurs français sont aussi de la partie. Renault, d'abord, avec son coupé Trésor, un concept car électrique qui préfigure la nouvelle gamme à venir dans quelques années. Et puis PSA mise de son côté sur la nouvelle petite Citroën C3 et surtout sur les nouveaux modèles de SUV, Peugeot 3008 et 5008, bourrés technologie. Les SUV, produits phares de la année, on le sait, et Lexus ne s'y est pas trompé avec son prototype Lexus UX. Tableau de bord effet 3D, console centrale holographique et commande sensitive, ça fait rêver. Et à Ambar, en Moselle, les 800 salariés qui fabriquent la Smart sont officiellement passés aujourd'hui aux 39 heures, payés 37. En échange, la direction a assuré qu'elle ne procéderait à aucun licenciement économique d'ici 2020. Le gaz, un peu moins cher à compter du 1er octobre, moins 0,8% en moyenne. Une bonne nouvelle donc pour les 6 millions de foyers reliés au gaz. Mais parmi les nouveautés du mois d'octobre, il y a aussi la réforme des APL et là, pas sûr qu'elle ne fasse que des heureux. L'allocation logement sera distribuée un peu moins généreusement selon votre patrimoine. Décryptage avec Pauline Baduel. Si vous avez plus de 30 000 euros d'économie sur un livret défiscalisé, par exemple un livret A, ou encore si vous possédez une résidence secondaire, un appartement, une maison de vacances, eh bien vos APL diminueront ou seront même supprimés. En revanche, les étudiants sont épargnés par cette mesure. Ils continueront à recevoir les APL, sauf ceux rattachés au foyer fiscal de leurs parents qui paient l'impôt sur la fortune. Dans ce cas précis, les APL seront supprimés. Cette mesure apportera à l'État 90 millions d'euros par an. Des manuels anti-avortement destinés à culpabiliser les femmes et les jeunes filles qui choisissent l'IVG, c'est ce qu'a découvert une lycéenne de Montpellier dans son établissement privé. Les opuscules, les fascicules sont édités par la Fondation Jérôme Lejeune, lobby très actif dans la lutte contre l'avortement. Martin Cadoret a retrouvé la lycéenne qui a donné l'alerte. Un acte de mort, voilà comment le manuel présente l'avortement, un discours auquel Marie n'a jamais été confrontée. Ce qui nous a choqué déjà, c'est les propos qu'ils tiennent, donc le fait qu'ils soient contre l'avortement, ça n'a rien à faire dans un établissement scolaire, encore une fois, je le dis souvent. Selon elle, le manuel n'était pas posé là par hasard. Il y en avait une dizaine, je crois, donc il a certainement été posé exprès, c'est pas comme s'il y en avait un qui était perdu. Une des personnes s'est renseignée, elle est allée voir la vie scolaire et bon, apparemment, ils ne comprennent pas comment c'est arrivé là. La Fondation Jérôme Lejeune, qui distribue le manuel, ne comprend pas la polémique. Jamais la Fondation n'a été déposée ces manuels dans les lycées catholiques ou publics. D'ailleurs, nous sommes ravis qu'ils soient présents dans les lycées, c'est très bien. Le principal syndicat lycéen, la FIDEL, a lancé une plateforme pour proposer aux élèves et profs de dénoncer ce qu'elle appelle des discours rétrogrades. Fini les wagons couchettes pour se rendre au pied des pistes. La SNCF ferme aujourd'hui 4 de ses lignes qui fonctionnaient la nuit, dont celle qui desservait Bourg-Saint-Maurice et Saint-Gervais, des lignes déficitaires et que ni l'État ni les régions ne veulent désormais financer. Claude Brazy est le président de l'association de rail de Savoie. Il craint des répercussions sur le tourisme. C'est un gros coup pour les transports ferroviaires dans les pays de Savoie. C'est également un gros coup pour l'économie, puisque chaque année, c'est 100 000 touristes qui sont transportés par ce train. Et si ce train n'existe plus, beaucoup de ces touristes ne viendront plus, tout simplement parce que ce train permet les courts séjours. Vous partez le soir de Paris, vous arrivez au petit matin à Bourg-Saint-Maurice ou à Saint-Gervais. Donc vous économisez une nuit d'hôtel. Et quand vous venez passer 4-5 jours dans les stations de sport d'hiver de Savoie et de Haute-Savoie, vous prenez ce train. On estime que ce train coûte à peu près 1 million d'euros par an. Pour 100 000 touristes, ça vaut vraiment la peine de le garder. Et puis seront aussi désormais fermées les lignes de nuit vers Albi et Strasbourg. La Jamaïque, Cuba et Haïti se préparent au pire. L'ouragan Matthew est en train d'approcher les côtes alors qu'il ne cesse de se renforcer. Les vents qui dépassent désormais les 260 km/h sont susceptibles de détruire des habitations. En football, début hier soir de la 8e journée de Ligue 1, Rennes a arraché la victoire à Guingamp à la 93e minute, 1-0. L'équipe de Christian Gourcuff remonte donc à la 7e place du championnat. De quoi satisfaire le gardien rennais, Benoît Costil. C'est bien ce qu'on a mis, de la volonté, tout ce qu'on veut, de l'abnégation, on a mis de la générosité dans ce match. Tout n'a peut-être pas été parfait, c'est sûr, mais au moins on a donné envie aux supporters de nous encourager tout le match et nos efforts ont été récompensés. Il y a 4 victoires sur 4 à domicile. Je pense que si vous faites regarder dans le rétroviseur, sur les 3-4 dernières années, je pense qu'on ne les trouve pas. Il y a une équipe qui se met en place petit à petit, mais il faut être patient. Et ce qui compte, c'est que voilà, il y ait de l'évolution et qu'on retienne les leçons au fur et à mesure qu'il y ait une évolution au fil de la saison. Benoît Costil au micro RMC de Pierre-Yves Leroux. À suivre ce soir, PSG contre Bordeaux à 17h et puis à 20h, Caen contre Toulouse, Dijon qui affronte Montpellier, Lille qui accueille Nancy, Monaco qui se déplace à Metz et Nantes qui joue contre Bastia. Jérémy Mathieu prend sa retraite internationale, annonce faite hier par l'attaquant français du FC Barcelone. Deuxième journée du rallye de Corse aujourd'hui et un leader, le français Sébastien Ogier, le triple champion du monde, s'est imposé lors des 4 spécial d'hier. Alors était-ce une journée quasi parfaite ? Parfaite, il y a toujours des petits détails à améliorer, mais en tout cas, point de vue résultat, fin de journée, on est complètement satisfait. 4 spéciales, 4 scratchs et 44 secondes d'avance, c'est plus qu'espéré. C'est un écart conséquent après une seule journée de course, donc c'est une très très bonne journée. Pour l'instant, c'est top. Sébastien Ogier au micro RMC de Camille Gelpi. RMC 7h08, l'heure de retrouver François Sorel pour les experts, mais avant tout pour les pronostics. Eh oui, le tiers écarté quintet plus cet après-midi à Chantilly, les pronostics de la Dream Team RMC. Sébastien Narras fait confiance au 15 Super City et au 10 Santa Manza. Brahim Asloum, lui, reste fidèle au 3 Écureuil et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 4 Roero et le 13 Indicas. Le 15, le 10, le 3, le 4 et le 13. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. RMC, 6h-8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Nous y sommes, 7h10, c'est RMC, le week-end des experts. Et vous le savez, entre 6h et 8h le samedi, c'est le jardin avec Patrick Mulan, notre expert jardin qui est là et qui attend vos questions au 32-16. Patrick, on va parler maintenant du label rouge dans les plantes. C'est quelque chose qui est assez méconnu, mais qui visiblement arrive petit à petit. Alors peut-être on va expliquer ce que c'est. Qu'est-ce que sont que ces plantes label rouge ? Alors on va dire que jusqu'il y a peu, il y avait que du gazon qui était labellisé label rouge et on verra dans la deuxième demi-heure, on aura le président de ProGazon qui viendra nous parler du label rouge gazon. Et puis il y a eu les dahlias. Alors c'est peut-être pour ça encore que c'était pas trop répandu, parce que le dahlia est une plante qui revient bien à la mode, hein. C'est plus la vieille plante de grand-mère comme on disait dans le temps, etc. C'est au contraire une plante qui a énormément de qualité. Mais le label rouge d'ailleurs a contribué à faire en sorte que la plante revienne un peu à la mode. Mais surtout, ça va se développer avec des plantes très très importantes comme les rosiers. Je disais aussi bientôt les sapins de Noël. Alors ça, on va voir quand est-ce que ça va arriver, tout ce monde-là. Les sapins de Noël, les géraniums, et on travaille aussi sur les fruitiers et sur les plantes de terre de bruyère. Donc il y a déjà quand même beaucoup de choses. Alors ce label rouge, pour en parler bien mieux que moi, j'ai invité Monsieur René Grange, qui est directeur de Jeanne de Laval. Jeanne de Laval, ce sont des spécialistes des bulbes, et notamment des dahlias, mais qui est aussi le président de l'association Excellence Végétale, qui s'occupe justement des plantes de qualité. Bonjour René, bienvenue avec nous. Bonjour Patrick. Merci. Donc je disais que vous étiez donc un peu monsieur label rouge maintenant en France. Alors comme la question de François, ce label rouge pour les végétaux, pourquoi comment Alors pourquoi comment ? D'abord pour les consommateurs, aussi pour les producteurs, mais pour les consommateurs, pour les jardiniers, en fait, c'est un assurance tout risque, le label rouge, hein, comme sur le jambon, comme sur le poulet. On dit fréquemment qu'on pratiquement les acheter les yeux fermés, parce que derrière tout ça, il y a surtout beaucoup de contrôle. Il y a un cahier des charges, mais il y a beaucoup de contrôle, des contrôles officiels. Hein. C'est pas un label qu'on achète pour mettre ça sur ses produits. C'est d'abord. C'est pas élu produit de l'année, par exemple, démarche commerciale. Non, absolument pas. Et c'est même quasiment gratuit pour les producteurs qui le travaillent bien, hein, puisque c'est pas une question de redevance ou quoi que ce soit. Non, c'est des respects de cahier des charges, de pratiques qui tournent autour de l'amélioration du produit pour la satisfaction du consommateur, des produits qui vont bien évidemment davantage fleurir, qui vont être plus résistants aux maladies, qui vont moins poser de problèmes à la plantation, des choses qui seront plus nouvelles, comme on l'a vu dans le Dahlia quand c'est sorti, c'est-à-dire des nouvelles variétés, des choses originales. Donc en fait, le label rouge, c'est pas effectivement... D'ailleurs, je crois que le mot label, on a le droit que avec le label rouge. Vous n'avez pas le droit de dire, par exemple, que vous créez quelque chose et que c'est pas un label. D'accord. C'est une marque ou c'est une distinction ou c'est quelque chose comme ça. Mais le label rouge, parce que c'est très très officiel. Hein, le label rouge, c'est il y a l'INAO là-dedans. Donc l'INAO, c'est l'Institut national qui gère à la fois les appellations d'origine et puis aussi donc les appellations d'excellence. Parce que le mot excellence dans excellence végétale, on sent un peu votre démarche. Votre démarche, ça a été de se dire à un moment donné, comme il n'y a pas de marque, ou quasiment pas de marque sur le végétal, comment le jardinier amateur va être capable, simplement, tout de suite comme ça, de savoir qu'il va avoir une plante de meilleure qualité. C'était un peu ça l'idée. C'est tout à fait ça, c'est parfaitement bien résumé, d'autant que on le sait, on le dit tous, que le consommateur, malheureusement, on va dire, pour nous, mais on essaie de trouver la parade, notamment avec le label, a de moins en moins de connaissances, et de moins en moins qui ont eu un grand-père avec un jardin, et qui ont pu prendre des cours auprès de leur famille. Donc, ils sont un peu désarmés, bien souvent, devant un linéaire. Heureusement, il y a cette émission. Oui, tout à fait, mais tout ça, on se complète. Et une des premières raisons, on le sait, de non-achat dans un point de vente, c'est je ne sais pas quoi acheter. Et les gens font marche arrière, ressortent sans rien, ne savent pas choisir. Donc, ce label qui est connu, qui est sécurisant, permet, comme je disais tout à l'heure, quasiment les yeux fermés, d'être certain d'acheter quelque chose de bon. Il n'y a pratiquement plus pour le consommateur qu'à choisir la couleur. Quoi. Voilà, on a vraiment simplifié la tâche. Mm-hmm. Oui, et puis en plus, ce label est rentré quand même dans les mœurs. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que la plupart des Français, 97% des Français, ont déjà acheté un produit label rouge. Oui. Alors dans la nourriture, donc c'est quelque chose qu'on identifie. On sait que c'est un produit, on va dire, de haute qualité. Voilà, et toujours dans les sondages ou dans les statistiques, c'est le label qui véhicule la qualité. Il faut dire que c'est pas d'hier, hein, parce que en fait, le premier label agricole, ça date de 1960, et après, on a eu donc à partir de 1965, on a eu d'abord le poulet des Landes. Le poulet des Landes, c'était le premier label rouge, et puis après. Mais ça a été une petite révolution. Hein, oui, oui. Et l'année suivante, l'ail rose. Ça, on l'oublie peut-être, mais l'ail rose de Lautrec. Ouais. Mmh. L'ail rose de Lautrec, c'est le deuxième label rouge qui a été. Il y a plein de trucs maintenant. Il y a plein de charcuterie. Il y a des œufs aussi. Bien label rouge. Ça se développe dans les plats cuisinés maintenant. Mmh. Oui. Ah, les plats cuisinés label rouge. Oui, bien sûr. D'accord. Enfin, cassoulet, label rouge. D'accord. Ah, oui, tout à fait. Alors, en revanche, nous, sur les végétaux, ça sera que les végétaux prêts à planter. On n'a pas de label rouge, je crois, sur les fleurs coupées, par exemple. Non, il y a des réflexions qui se font dans le sud de la France. Je pense que ça arrivera. Parce que le succès commercial, on l'a vérifié sur le Dahlia, il est là. Les gens sont prêts, les gens sont demandeurs. Et on va le valider avec les rosiers, on va le valider certainement avec les sapins et d'autres produits, comme tu l'as dit tout à l'heure, géranium, qui vont arriver très rapidement. Donc la masse aussi des produits label rouge en magasin va faire que le succès sera grandissant et que le choix sera plus facile pour les magasins, pour les clients, pardon, consommateurs. Et je disais magasins parce que en fait les distributeurs, les clients de nos producteurs, distributeurs, sont vraiment très accros à ce label parce que quelque part pour eux ça leur facilite la vie aussi. Ils n'ont pas trop à se poser de questions à savoir quoi acheter chez leurs fournisseurs, quoi demander à leurs fournisseurs. Ils sont sûrs d'avoir une qualité, ils sont sûrs de pas tromper leurs consommateur et c'est vraiment bonus pour tout le monde. Mais en revanche, si ça facilite le choix du consommateur, ça complique un peu le travail du producteur. Parce que vous avez quand même un cahier des charges qui est à la fois lourd, mais que vous avez aussi volontairement édité. En fait, c'est les professionnels voilà. qui passent autocontrôle, parce que là, vous êtes contrôlé après, mais qui au départ disent « Ah, qu'est-ce que la qualité ?» Qu'est-ce que l'on va vouloir apporter de qualitatif en plus de ce qui existe ? Et puis on va se donner des obligations. Alors il y a des obligations au niveau de la méthode de production, mais aussi du résultat du produit. Parce que quand on achète, mettons, on va dire un rosier ou un dahlia label rouge, on a forcément quelque chose qui se distingue. Ça se distingue bien sûr par les fleurs, l'originalité, la qualité des variétés, puisque un des premiers points qu'on retrouve à ce jour dans tous les produits label rouge qui vont sortir sur le marché, c'est au départ une sélection très sévère des variétés. Je donnerai un exemple, c'est celui par exemple des géraniums qui est en cours et qui va la semaine prochaine peut-être être validé par l'INAO. Sur plusieurs centaines de variétés, et c'est pas loin d'un millier d'ailleurs, lorsqu'on les a passés par nos tests qualité pour savoir si on pourrait les vendre ensuite en label rouge, on en a conservé que 16% des variétés. Et pourtant, dans les variétés qu'on nous a amenées, c'était souvent des nouvelles, des belles, vendues par des obtenteurs prestigieux. 16% seulement ont passé des tests satisfaisants au niveau, par exemple, de la floraison, de la floribondité, c'est-à-dire le nombre de fleurs dans les jardins par la suite. On reviendra là-dessus par rapport au rosier, parce que justement, j'ai des questions. Et moi, j'aimerais bien que vous, qui nous écoutez, vous nous posiez des questions. Vous connaissez forcément ce label rouge. Qu'en pensez-vous dans le domaine des plantes ? Est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que cela va vous pousser, par exemple, à investir un petit peu plus ? Par exemple, des dahlias à label rouge, puisque voilà. C'est ceux qu'on trouvait le plus facilement dans le commerce. Exactement. Est-ce que vous prenez ça au sérieux ? Dites-le nous. Le 3216 ou jardin@rmc.fr. Si vous nous joignez par mail, n'oubliez pas votre numéro de téléphone. 7h18, on revient dans une minute. À tout de suite. RMC, 6h-8h, votre jardin. La technologie pour Darty, c'est avoir une télé aussi interactive que son smartphone grâce à sa box internet et les applications Android TV. Et ça pour seulement 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. La B-Box Miami de Bouygues Télécom, avec tous les services exclusifs Darty, est à prix anniversaire jusqu'au 31 octobre. Et en plus, Darty vous offre une carte cadeau de 100€ pour tout nouvel abonnement. Engagement 12 mois, location box 3€ par mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Carte cadeau utilisable dans les magasins Darty, hors darty.com. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, bienvenue chez les Givrés. C'est loin, c'est froid, mais c'est leur choix. Au fin fond du Canada, ils vivent leur rêve de liberté dans des conditions extrêmes. Prisonnier des glaces, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24. Monoprix, tu sais que t'es une vraie blogueuse beauté quand tu te remaquilles dès que quelqu'un sort son portable dans la rue ? Et tu sais que t'es encore plus une blogueuse beauté quand tu sors faire ton shopping make-up chez Monoprix et que tu tweets que tu fais ton shopping make-up chez Monoprix. Exceptionnellement, ce week-end, Monoprix vous offre 20% de réduction sur tout le rayon maquillage de votre magasin. Et en plus, pendant les 9 jours Monoprix, profitez de centaines de promotions jusqu'au 9 octobre. Monoprix, conditions et magasins participants sur monoprix.fr. RMC jusqu'à 8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Il est 7h20, le retour du week-end des experts et le jardin. On est ensemble avec Patrick Mulan jusqu'à 8h et puis juste après ce sera la maison, vous le savez, Christian PC prendra le relais. Vos questions bricolage maison déco tout à l'heure et puis on évoquera le dépannage tout à l'heure. C'est vrai que nos équipements et matériels domestiques sont réparables la plupart du temps, mais le seront-ils dans quelques années ? Est-ce qu'on pourra toujours trouver des pièces détachées ? Et puis surtout, est-ce qu'on peut essayer de se faire dépanner en urgence sans se faire arnaquer ? Parfois c'est un peu compliqué. Ça c'est plus dur. En effet, on en parlera avec Christian PC. Mais dans l'immédiat, on découvre le label rouge dans le domaine des plantes, Patrick, avec nos invités. Donc l'idée de du label rouge, donc c'est une plante qui va donner aussi satisfaction dès la reprise. C'est-à-dire que la qualité de production du végétal fait que il est au top pour arriver dans votre jardin et se développer correctement. Alors bien sûr, il faut prendre quelques précautions, on en parlera peut-être tout à l'heure un tout petit peu, puisqu'on va arriver à la saison des rosiers, on a fini les dahlias, mais on pourra quand même dire deux mots. Alors après, vous avez effectivement le terme d'aspect, de floraison, de couleur, de forme, de, et puis même de facilité d'entretien. Parce qu'il y a une chose qu'on pourrait se poser comme question, c'est est-ce que le label rouge, c'est simplement une affaire de pro? Est-ce que c'est simplement les professionnels qui, entre eux, bah, ils font leur petite cuisine comme ça, et puis ils nous sortent des choses qu'on est obligé d'avaler? Mais en réalité, non, parce que même un amateur peut participer au label rouge. Un amateur ou un journaliste, j'en connais un. Enfin, moi, ça m'est arrivé pour les dahlias. Ouais. Et d'ailleurs, pour les rosiers, je suis partant aussi. Ouais. Sans problème, avec plaisir. Non, tout à fait. Dans l'association Excellence Végétale, donc l'office qui défend, qui fait la promotion aussi de ces labels rouges pour, dans le domaine végétal, on a des adhérents qui sont des amateurs, qui participent au jury. On a des distributeurs, des journalistes, des gens de différentes fédérations. Donc, on a pris tous les conseils. Et dans la sélection des variétés que l'on fait lors de jurys auxquels, par exemple, Patrick, tu as pu participer, les notes données par des amateurs, donc des gens qui ne sont pas des professionnels, qui vont dire « j'aime cette couleur, j'aime cette plante », est forcément différente de nous qui la voyons d'un œil professionnel. Et la sélection variétale donc, qui est offerte est le résultat de cette sélection de professionnels et d'amateurs. Et je pense que ça concourt à ce qu'elle plaise davantage aux consommateurs. On a l'œil du consommateur dans les variétés. Il y a une authenticité par rapport à cela. Label. Et donc, si on a envie de participer au travail des commissions, enfin, c'est souvent les jurys un peu de dernier moment, donc c'est assez passionnant, bah, vous pouvez vous inscrire sur le site d'Excellence Végétale. Tout à fait, www.excellence végétale, on peut s'inscrire et vous recevrez des invitations, ce serait avec plaisir. Alors, je voudrais qu'on parle des rosiers, parce que les rosiers, alors je ne vais pas être gentil, mais ils commencent à avoir donné l'impression d'un peu l'arlésienne. On les annonçait là pour octobre, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait encore le cas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et est-ce qu'on va avoir enfin les rosiers label rouge? Parce que si on va sur le site Excellence Végétale, on en a une soixantaine, je crois, qui sont déjà disons présentés. Donc il y a déjà eu une sélection. Voilà, aujourd'hui on a une préliste qui n'est pas encore officielle, qui n'est pas validée. Cette préliste, les producteurs en ont hein, quelques-uns qui sont en culture. On est à quelques jours, ou au mieux, au pire quelques semaines du feu vert pour les mettre en vente, mais actuellement on est dans la période d'habilitation, c'est-à-dire de contrôle par un organisme extérieur. Hein, qui était l'organisme. Donc ça montre bien le sérieux de la démarche, c'est-à-dire que il y a déjà des producteurs qui les ont, tout le monde est dans les starting blocks, mais il y a encore des autorités indépendantes qui vont être capables de dire oui, on les met, non, on les met pas. Voilà, c'est des gens qui contrôlent le poulet, la brioche, et ben ils sont chez nous, ils sont chez les producteurs, et ils étaient cette semaine sur Douai-la-Fontaine, en Anjou, la semaine prochaine, ils vont être en région lyonnaise, ils iront sur Orléans, là où sont les producteurs aussi. Donc il faut bien comprendre qu'ils pouvaient pas faire leur travail avant que la culture soit terminée. C'est difficile. Donc ils sont en train de contrôler tout ça, et on a bon espoir, et dans le pire des cas, ce sera en vente au printemps et peut-être quelques jours avant. On en aura peut-être quelques-uns dans quelques jardineries cet automne. Et très sûrement au printemps. Voilà. Voilà. Alors, la question qui se pose tout de suite, c'est, est-ce que, on a vu que c'était un peu plus compliqué pour les professionnels de mettre des rosiers label rouge dans le commerce, parce qu'il faut faire très attention, il faut les présenter de bonne qualité, donc ils vont être forcément plus chers. Est-ce qu'ils vont être vraiment plus chers? On l'a vu dans les dahlias, non. En fait, ils prennent la place, ils sont un peu plus chers que les courants, que les choses vraiment banales. Hein. Mais c'est de l'ordre de 20-25%, c'est pas... Et en fait, ils prennent la place d'anciens, soi-disant, haut de gamme que tous, plus ou moins, nous présentions en tant que créateurs, en tant que distributeurs, que nous labellisions nous-mêmes sans trop de contrôle, et qu'on vendait plus cher. Bon, en fait, ils prennent cette place-là. Et ça va avoir l'avantage, au contraire, de simplifier la lecture des rayons aux consommateurs. C'est-à-dire qu'ils auront des produits courants, toujours avec des prix sur des variétés relativement basiques, relativement anciennes. Et puis, je pense qu'à très rapidement, ils n'auront plus qu'après, en termes de haut de gamme, le label rouge, puisque, comme tu l'as dit, il n'y a pas dans le jardin de marques vraiment très prestigieuses qui ont fait leur trou, qui cultivent comme dans notre domaine. On n'a pas le Nestlé du jardin, par exemple. Et donc, le label rouge va vraiment s'étendre et va vraiment prendre une place très, très importante dans les points de vente dans les années à venir. Alors sur les rosiers, on va les trouver sous quelle forme, à la fois racines nues, conteneurs, puis conditionnés, on aura tout. On le trouvera aussi bien de la racine nue jusqu'à la fleur vendue en pot. La fleur en pot, ce sera plutôt au printemps. Les racines nues et emballées conditionnées, ce sera sur l'automne et en début de printemps. Donc on aura une offre complète sous une forme de présentation pour les différents adaptés aux différents points de vente et aux périodes de vente. Alors j'ai vu que vous donniez des conseils bien précis par rapport aux dates d'achat. Évidemment, on n'achète pas les rosiers racines nues à la même époque que les rosiers en pot. Donc il faut aussi, ça c'est une sorte de, on va dire, de garantie des professionnels. C'est une vraie démarche de sérieux. Là, on se dit, on arrêtera la vente des rosiers label rouge, par exemple, racines nues, au 31 décembre, c'est ça? On arrêtera les ventes. On ne commencera pas aussi, c'est important. Trop tôt. Mmh. On peut en trouver des trucs classiques qui viennent de différentes origines, y compris pays de l'Est, dès le mois de septembre, dès le début septembre dans les magasins. C'est pas très sérieux par rapport au climat. C'est-à-dire qu'on distribue une plante qui est pas finie, qui est pas mûre et qui va pas se comporter correctement par la suite. On découvre les plantes label rouge ce matin dans ce rendez-vous jardin. N'hésitez pas, 3216 pour poser vos questions ou pour témoigner. Tiens, est-ce que vous avez déjà acheté une plante label rouge? On va parler tout à l'heure du gazon, hein, qui est déjà plus, on va dire, plus commun. Hein. Moi, si je me rappelle bien, le gazon, ça doit dater de 1987, ah je oui, crois. Ah oui, d'accord. Ben voilà. Est-ce que vous avez senti une différence si vous avez planté du gazon label rouge? Vous dites-le nous. Normalement, si c'est obligatoire. Voilà. 3216 ou jardin@rmc.fr. À tout de suite après la météo des infos. Rejoignez les experts jardins sur leur page Facebook, Votre Jardin sur RMC. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon de braquage! Twingo est à partir de 99€ par mois sans condition de reprise, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes du 13 au 17 octobre. French Touch, touche française. Offre pour Twingo Life SE 70, LLD 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1 500€ si acceptation par Diac et SA. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Ouverture sans l'autorisation, voire Renault.fr. Jusqu'à demain, les meilleurs pilotes de rallye du monde s'affrontent sur les routes du Tour de Corse WRC avec RMC. Qui empêchera Sébastien Ogier de remporter un quatrième titre de champion du monde? Mikkelsen, Padone et Latvala se lancent à sa poursuite. Suivez le Tour de Corse sur tourdecorse.com, Facebook et Twitter. Le rallye Tour de Corse WRC, c'est jusqu'à demain avec RMC, radio officielle. À l'occasion de la sortie au cinéma de Snowden, RMC vous invite à l'avant-première officielle du film. Les Américains ne rêvent pas d'être libres. Ce qu'ils veulent, c'est la sécurité. Coupable ou innocent? Ils nous surveillent? Nous sommes tous sur écoute. La NSA a placé sous surveillance tous les portables du monde. Pour gagner votre passe VIP, envoyez tout de suite VIP par SMS au 73216. 65 centimes par envoi plus prix de SMS, de SMS maxi. Snowden, le nouveau film d'Oliver Stone. Au cinéma le 1er novembre avec RMC. C'est l'heure de la météo sur RMC avec Jérémy Souliman. Bonjour Jérémy. Bonjour François. Je crois que le barbecue, c'est fini. Exactement, c'est totalement terminé. Et on n'y pense pas aujourd'hui, on n'y pensera pas non plus demain. Globalement, grisaille et pluie vont dominer aujourd'hui. Les pluies orageuses vont dominer toute la journée autour de la Méditerranée. Attention, je vous rappelle d'ailleurs que les Bouches-du-Rhône et le Gard sont toujours placés en vigilance orange, orage, inondation. Ailleurs, dans le pays, au nord de la ligne Nouvelle-Aquitaine-Grand Est, on va retrouver la pluie ce matin, des averses localisées pouvant être accompagnées localement d'orages. Au cours de la journée, ce temps instable va se déplacer entre le Massif central, l'Alsace et la Franche-Comté, amenant avec lui orages et de possibles averses de grêle. Les plus chanceux, seront finalement sur la moitié nord du pays avec un ciel variable, alternant entre nuages, éclaircies et quelques averses très localisées. Pour les températures, pas de chance par contre au nord, ça va rester frais. En revanche, les températures seront clémentes dans le sud. Ce matin, elles sont comprises entre 9 et 18 degrés, un petit peu partout en France, entre 16 et 26 cet après-midi. On attend 17 degrés à Lille, 18 à Paris, 19 à Strasbourg, il fera 20 degrés à Lyon, 23 à Marseille et la maximale 26 degrés pour la Corse à Ajaccio. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. C'est RMC. Il est 17h30, un point sur l'actualité. Claire Tchekaglini, bonjour Claire. Bonjour, plus d'un million de visiteurs attendus au salon de l'automobile qui ouvre ce matin, porte de Versailles à Paris, en vedette les modèles de voitures électriques. Les agents de la RATP et de la SNCF autorisés à porter une arme à feu et à travailler en civil, le décret le plus attendu de la loi Savary a été publié aujourd'hui au journal officiel. Un adolescent de 15 ans placé hier en détention provisoire après avoir été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels criminel. Ce collégien inconnu des services de renseignement avait été interpellé mercredi dans le Val-d'Oise. Il était en lien avec Rachid Kassim, le propagandiste de Daesh. Et puis un homme de 29 ans a lui été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour avoir incité un de ses correspondants sur Telegram à commettre un attentat en France. Il avait aussi encouragé un autre de ses correspondants à se rendre en Syrie. Nicolas Sarkozy dégringole après une semaine noire, marquée notamment par la sortie du livre de Patrick Buisson et le reportage de France 2 sur Big Malion. L'ancien chef de l'État perd 12 opinions favorables auprès des sympathisants des Républicains, résultat d'un sondage BVA pour Orange. L'appel de MSF comme un cri de désespoir, l'ONG a demandé instamment que Moscou et Damas cessent le bain de sang à Alep. Alep, ville martyre qui est aujourd'hui au centre d'une résolution prônée par la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Les membres permanents ont commencé à examiner le texte hier. L'ouragan Matthew vient d'être classé en catégorie 5 sur une échelle de 5. Les vents soufflent à plus de 270 km/h et devraient bientôt toucher la Jamaïque et Haïti. Une poignée d'ultras du PSG de nouveau autorisés à se rassembler dans les tribunes du Parc des Princes. Une première depuis 2010. Ce sera cet après-midi pour le match PSG contre Bordeaux. Hier soir, pour le match d'ouverture de la 8e journée de Ligue 1, Rennes est venu in extremis à bout de Guingamp. Résultat 1-0 en Ligue 2. Reims se hisse à la première place du classement après sa victoire hier soir sur Auxerre 3-0. RMC, il est 7h, passé de 32 minutes, l'heure de retrouver François Sorel et les experts. Et Patrick Murel, notre expert jardin. Merci Claire, vous revenez tout à l'heure à 8h sur RMC, bien entendu. Le 32-16 jardin@rmc.fr, on découvre les plantes label rouge ce matin. A tout de suite. Si vos amis ne captent pas RMC, dites-leur qu'RMC est aussi en direct sur les applis tablettes et smartphones et à la maison sur leur box menu radio. Miu Miu. Oui. Attention, c'est l'heure de la question flash. C'est la question de Bruno de Castres. J'ai encore pas mal de dahlias en fleurs dans mon petit jardin, nous dit Bruno. Quand faut-il que je les rentre, ces dahlias? Ben on va continuer d'abord à les laisser fleurir, ça serait quand même dommage de les arracher avant qu'ils aient terminé. On est, comme je disais tout à l'heure avec la météo, on est plutôt dans une période qui est encore assez douce, qui est encore assez calme, et on va les laisser continuer à nous faire plaisir. Alors, derrière ça, la vraie question c'est, est-ce que l'on rentre les tubercules de dahlia ou est-ce qu'on le fait pas? C'est un risque que l'on peut se permettre de prendre quand on voit, disons, les mouvements climatiques un peu particuliers qu'on connaît maintenant. Et depuis plusieurs années, même en Île-de-France, moi j'ai vu dans mon jardin, peut-être un peu parfois par paresse, ne pas arracher mes dahlias et puis avoir le plaisir de les voir revenir l'année suivante. Donc effectivement, il faut pas qu'on ait un hiver trop froid. Hein. Je pense que si on atteint un petit moins 10 degrés, il y en a pas mal qui auront du mal. Toutefois, ça dépend aussi de la profondeur où vous les avez plantés. Puis il suffit aussi de mettre un petit palis, une petite butte de feuilles mortes au-dessus des emplacements de dahlias. Alors quand même, je dirais, il y a une chose à faire, c'est que si vous faites ça, n'oubliez pas de laisser le tuteur, parce qu'après on sait plus qu'on a laissé le dahlia et on se retrouve vraiment embêté, où on va arracher disons malencontreusement au printemps, on va donner un coup de bêche dedans et ça va pas forcément lui faire plaisir. Mais moi j'aurais tendance à vous donner, à vous inciter à laisser vos dahlias en terre et pour regarder ce qui va se passer. Et alors je sais pas si j'ai vraiment raison là-dessus, mais j'ai tendance aussi à dire que les dahlias à fleurs simples donnent une impression d'être un peu plus encore costaud que les dahlias très sophistiqués avec des grosses fleurs, etc. Donc, mais faites la tentative. Moi, je vous dis ça. Peut-être attention aussi, les rongeurs, de temps en temps, ils se régalent pendant l'hiver et on les retrouve plus. On dit c'est le froid. Non, c'est les rongeurs. Mais voilà, c'est des alertes. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC jusqu'à 8h, votre jardin. François Sorel, Patrick Mulan. Il est 7h35, c'est RMC, le week-end des experts, le jardin. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci de nous rejoindre et bienvenue à vous toutes et à vous tous qui venez peut-être de vous réveiller ou brancher la radio. Sachez que comme chaque week-end, les meilleurs experts de France m'accompagnent le samedi et le dimanche. Nous sommes au cœur de ce rendez-vous jardin et puis dans une petite demi-heure, Nous retrouverons Christian Pessé pour la maison et toutes vos questions bricolage maison déco au 32-16. Ce matin avec Patrick et nos invités, on évoque les plantes label rouge. Et avant de poursuivre, Patrick... Oui, avant de passer au gazon, on va... On a Annie. Ouais, on a Annie, voilà, qui va nous parler d'Alia. Qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Annie. Bonjour Annie. Bonjour messieurs. Alors Annie. Bonjour. Que se passe-t-il ? Eh ben écoutez, j'ai fait une seule expérience d'achat de label rouge pour l'instant. C'était il y a 2 ans. Donc j'avais jamais planté de dahlia dans mon jardin. Et c'est vrai que c'est une fleur que j'aime beaucoup. Et ben j'ai acheté 2 bulbes. Hein, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. On est sur des tubercules. Tubercules, voilà. 2 tubercules et j'ai vu des labels rouges, donc des petits sacs labels rouges. Mmh. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer. La promesse était que ben ils soient magnifiques et résultat assuré. J'ai planté. Alors après, je me dis, est-ce que c'est moi qui ai pas fait les choses comme il faut? Mais en tout cas, j'ai un premier. Alors c'était il y a 2 ans. Donc l'année dernière, j'ai eu des fleurs uniquement. Mais vraiment vers le 10 septembre, donc... Et vous aviez planté quand ? J'avais planté au printemps. Dans le courant avril ? Voilà. D'accord. Ouais. Alors je suis dans le Loir-et-Cher, hein. Je suis dans la région de Romorantin. J'attends toujours un peu quand même vers la fin avril pour planter, parce qu'il y a quand même encore des gelées, voilà. Et cette année, j'ai des boutons... Aucune fleur. Alors écoutez, donc, je vais donner la parole à René Grange parce que c'est vraiment lui l'expert d'Alia. Donc il en cultive combien on les compte en millions. Voilà, donc il doit être capable de vous donner une réponse. D'accord. Oui, bonjour Annie. Bonjour. Très certainement, et c'est pas pour vous accabler, des conditions extérieures, c'est-à-dire... peut-être trop d'ombre, peut-être un terrain qui leur convient pas, trop lourd, trop fermé, peut-être un manque d'arrosage dans des périodes comme juin-juillet, parce que tel que vous le décrivez, je pense pas qu'on puisse imputer la faute, je dirais, au produit. Une floraison tardive, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui va pas dans la végétation. C'est qu'il a pas fait ses racines à temps correctement, qu'il a pas trouvé le terrain qui lui va, qu'il a pas eu assez soleil, qu'il a pas... Il lui a manqué quelque chose pour se nourrir correctement et fleurir. Et ça se confirme quand vous dites la deuxième année, j'ai rien, parce que ben en fait il a pas eu le temps en fleurissant tardivement la première année de reconstituer ses réserves, de faire regrossir son bulbe. Mm-hmm. Il est resté en terre entre la première et la deuxième année, il est resté au même endroit. Oui, je l'ai laissé. Voilà. Mm. Alors, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Ils sont pas morts, hein, comme vous le dites. Ah non. Bon, laissez-les jusqu'à ce qu'arrivent les gelées, s'il en arrive. Laissez-les végéter, fleurir probablement un petit peu si on a un mois de septembre un peu doux et octobre. Et quand ils n'auront plus de feuilles, quand ils seront secs, arrachez-les. Conservez-les pendant l'hiver jusqu'au printemps dans votre garage ou dans une cave, dans un endroit pas trop humide et en enlevant la terre qu'il y a autour, mais sans les laver. Uh-huh. Et essayez de les replanter l'an prochain si quand vous les arrachez vous les trouvez en état, c'est-à-dire vous les trouvez comme vous les avez achetés, hein. Oui. Replantez-les, il leur faut du soleil, il leur faut une terre plutôt légère où ils pourront développer facilement leurs racines. J'ai une terre assez légère parce que c'est très sablonneux, hein. C'est limite Sologne, donc. Mmh. Bon, c'est peut-être l'inverse. Du coup, vous avez une. Vrai que du côté de Romorantin, vous êtes en Sologne, c'est du sable. Pauvre, hein. Et vous manquez, de consistance. Il faut mettre de la matière organique, mais bien décomposée, hein, parce que sinon, c'est pas top. Et si c'est du sable, parce que ça doit manger, hein, quand même. Encore une fois, je dis souvent ce mot-là, mais les plantes, ça vit pas d'amour et d'eau fraîche. Ça a besoin quand même qu'on les nourrisse. Donc, si vous avez un sol sableux, le sable, ça apporte rien. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on peut constater, notamment aussi avec le terrible printemps qu'on a eu cette année, qui fait que les plantes elles sont parties très très très rares. Et moi j'ai un peu ce cas-là aussi cette année avec des dahlias effectivement qui ont fleuri beaucoup plus tard que la normale, mais je sais pourquoi. C'est parce que le printemps ils étaient en dormance encore, quoi. Donc en fait il y a un décalage, hein, tout simplement. Et est-ce qu'il faut qu'ils soient en plein soleil toute la journée? C'est mieux quand même si vous voulez beaucoup de fleurs, hein, parce que ça au moins l'après-midi, quoi. D'accord. Donc je ne dois pas incomber le problème au label rouge, en fait. Au label rouge, ouais. Surtout pas, mais en même temps, même à vos tubercules de dahlia eux-mêmes. N'oublions pas quand même que nous avons affaire à du vivant et que le vivant, c'est pas tout inscrit dans le marbre. Les conditions extérieures, les conditions particulières de votre jardin jouent aussi un rôle. Et si on met pas les plantes, même la belle rouge, dans des conditions favorables à leur croissance, ben on aura forcément moins de satisfaction. En revanche, bon, peut-être aussi que grâce au fait que ce soit des dahlias la belle rouge et qui sont pas forcément dans les bonnes conditions, ils sont quand même bien vivants et ils se développent. Donc ça aussi c'est important. Enfin, probablement. Je vais peut-être les changer de place. Sans doute, déjà. Moi je vous le conseillerais, oui. Il y a probablement un problème de place. Et puis comme si vous l'avez dit, si c'est vraiment très sableux, il faut bien suivre l'arrosage, surtout au début. D'accord. Alors moi je voudrais réinsister pour tout le monde, ça c'est un truc de base. Une plante qui ne se plaît pas dans un endroit, elle ne s'y plaira jamais. Donc on la change de place pour essayer de voir, mais il faut parfois il suffit d'un mètre, un mètre cinquante, un mètre cinquante peut suffire. Parce que ça aussi c'est un truc sur lequel j'insiste chaque année, enfin même pas chaque semaine mais presque, c'est le vent. On ne connaît pas les circulations d'air dans nos jardins parce qu'on n'est pas là planté comme les végétaux 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc de temps en temps, vous avez des emplacements dans lesquels vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça poussera toujours moins bien parce que manque de chance, il se trouve sur une circulation d'air qui fait que le vent a quand même est un facteur limitant du développement des végétaux. Ça, il faut bien le savoir. Donc attention aussi à ce genre de choses. Parfois, il suffit de planter un petit arbuste à côté d'un autre et tout d'un coup, les deux ensemble vont beaucoup mieux. Bon, le jardin n'est pas une science exacte. Rappelons-le. Bon, Annie, il faut déplacer tout ça un petit peu. Oui. Un petit peu. Je vous remercie beaucoup pour vos émissions. Super. Vous êtes géniaux. C'est très gentil. Et bon courage. Merci Annie. Merci. Au revoir. Et si tout comme Annie, vous voulez parler justement de ces plantes label rouge qui commencent à arriver, bien n'hésitez pas le 3216 ou bien jardin@rmc.fr. Alors nous allons accueillir maintenant un second invité qui s'appelle Michel Godillière. Ils vont parler de gazon label rouge. Président, voilà, il est président de l'association Pro Gazon et en même temps directeur marketing des gazons Barenbruck. Donc c'est un professionnel qui connaît bien le gazon label rouge puisque son association le dirige de la même façon que René Grange avec Extension Végétale pour les autres végétaux. Michel, bonjour, bienvenue avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, bonjour à vos auditeurs. Je disais tout à l'heure que le label rouge gazon aurait été créé en 87, c'est vrai ça? Ah, c'est exact, oui. Vous êtes bien renseigné. En fait, on fête notre 30e année parce qu'en fait, ProGazon a démarré en 86, mais le temps de demander tous les papiers officiels, vous savez que c'est très précis, le label rouge. Donc réellement, on a eu l'homologation au mois de mai 87 pour le label rouge gazon. En fait, voilà. Alors, on a expliqué depuis le début de cette émission que le label rouge était attribué à la fois donc aux meilleures variétés et aussi à des plantes de qualité supérieure. Sur le gazon, c'est évidemment les meilleures variétés, mais c'est un peu plus complexe quand même que ça. Expliquez-nous un petit peu toute la démarche et comment on obtient effectivement un label rouge gazon et est-ce que l'on peut aussi y faire confiance les yeux fermés? Ah oui, on peut faire confiance les yeux fermés puisqu'en fait on a affaire à beaucoup d'organismes officiels qui sont chapeautés par le ministère de l'Agriculture, qui sont donc très sérieuses. On a des inscriptions de variétés au niveau français, qui sont des listes A et qui sont réalisées par le GVS ou l'INRA, que tout le monde connaît quand on est professionnel. Et là, vous avez les plantes qui vont être en compétition réellement. C'est-à-dire qu'il y a des témoins, c'est des variétés qui ont fait déjà leurs preuves. Et vous avez des plantes qui doivent être supérieures à ces témoins. Tous les ans, on a des nouvelles variétés qui arrivent. Donc régulièrement, on améliore les qualités des gazons. Alors tout ça, c'est noté. C'est vraiment des athlètes de haut niveau qu'on va dire ces graminées de gazon, puisqu'elles sont notées sur la résistance au piétinement. Quand on va vouloir un gazon plutôt sport, ça va être noté sur la densité, la finesse, la couleur, l'aspect esthétique. Alors la densité, c'est très important, puisque en fait une plante, c'est les denses, elle va pas laisser la place aux mauvaises herbes de s'installer. Ça, c'est important. Donc ça, c'est important, ouais. Et puis bien sûr, tout ce qui est côté, maintenant, on va essayer de limiter les produits phyto, l'application des produits phyto. Donc il y a aussi des données sur les résistances aux maladies des gazons. Alors, donc ça, tout ça est très sérieux, en fait. Voilà. Alors sur le gazon, il y a une chose qui est un peu plus complexe, je disais, parce que effectivement, là, on part déjà au départ des variétés, mais un gazon, c'est pas une plante. C'est un mélange de différentes espèces, donc du raigras, des fétuques, des choses comme cela. Et là-dedans, pour avoir le label rouge, il faut non seulement avoir les meilleures variétés, mais aussi faire des mélanges savants. Exactement. Alors ça, c'est vraiment toute l'expertise hein, du bureau pro gazon, puisque à l'intérieur de ce bureau pro gazon, vous avez différents professionnels, différents acteurs. Ça peut être des professionnels comme des greenkeepers pour les terrains de golf, des terrains de sport, des paysagistes, mais aussi des jardiniers amateurs. Donc ça, c'est intéressant, puisqu'il y a une grande expertise derrière, et on s'aperçoit que c'est comme un puzzle, quoi, une composition de gazon. C'est-à-dire qu'il faut faire le bon assemblage et la bonne proportion. Donc pro gazon, c'est la crème des variétés, et également le meilleur assemblage entre les espèces, parce que vous avez des compétitions entre les espèces, et si vous ne donnez pas les bons pourcentages, ben, y a une plante qui va se développer à la place d'une autre. Donc c'est pas l'objectif d'une composition gazon. On a l'impression d'écouter un vigneron aussi qui fait ses assemblages. Exactement. Michel, vous restez avec nous, 17h46. On va revenir dans un instant et puis nous écouterons aussi la question de Karine qui veut nous parler de graines label rouge. Le 32-16. Elle est étonnante cette question. 32-16 ou jardin@rmc.fr. À tout de suite. RMC, 6h-8h. Votre jardin. Ce week-end, les Formule 1 roulent le matin pour le Grand Prix de Malaisie à Sepang. Ce matin à 11h, les qualifs. Et demain, dès 9h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron? Bon, bah. On est dans les choux, c'est ça? Dans le chou-fleur, oui. Moi, je suis chez Lidl. Et aujourd'hui, le chou-fleur est à 99 centimes pièce. Non! Si, patron, moins d'un euro la pièce et origine France en plus. Ah, le chou-fleur à ce prix-là, patron, on a du souci à se faire. Et ça te fait rien. Les soucis, c'est toi qui vas en avoir si tu continues. Pardon, patron, désolé, mais on est mal. T'as arrêté? Oui, mais là, on est très mal, hein? Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Origine France, catégorie 1. Ce temps chez Renault. La French Touch se met au rugby avec Capture, le crossover bien campé sur ses appuis. Capture soutenu par Easy Pack à partir de 189 euros par mois sans apport. 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes du 13 au 17 octobre. French Touch touche française. Offre pack tout inclus pour Capture Life Energy TCE 90. LLD 49 mois, 40 000 km maximum si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 novembre dans le réseau participant. Voir Renault.fr. Il y a des prix qui vous font dire... Non mais une douche froide le matin, ça réveille. Et il y a les prix Leroy Merlin. Toute l'année, 1290 euros seulement, la chaudière à gaz Vergne MCE2 à condensation instantanée. Pour de l'eau chaude sans attente et jusqu'à 30% d'économie d'énergie par rapport à une chaudière classique. Assistance téléphonique incluse. Chez Leroy Merlin, les prix vous font dire... Là, je suis sûre de faire le bon achat. Leroy Merlin, et vos envies prennent vie. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins, avec leur anniversaire, ils se couvrent de ridicule. Et puis il y a la paire, qui vous couvre de bonnes affaires pour son anniversaire. Jusqu'au 2 novembre, pendant l'anniversaire la paire, il y a par exemple jusqu'à 2000 euros de remise immédiate sur toutes les cuisines. 2000 euros de remise immédiate sur les cuisines. L'anniversaire la paire, c'est clair, il n'y en a pas deux. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr. RMC, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan. Merci d'être là pratiquement 8h-10, c'est RMC. Bon réveil à vous toutes et à vous tous, et surtout bon week-end. Encore pendant quelques minutes, c'est votre rendez-vous jardin. Et puis après la météo, les infos de 8h, ce sera la maison avec Christian Pessan. On parlera entre autres des dépannages et parfois même des arnaques au dépannage d'urgence. Je pourrais vous en raconter une. Ah tiens, bah, il va falloir peut-être témoigner tout à l'heure, Patrick. Je peux. Ça va intéresser Christian, ça. Christian Pessan dans quelques minutes donc sur RMC. Mais d'ici là, on termine notre rendez-vous jardin. On évoque les plantes label rouge et on a Karine qui nous a appelé au 32-16. Bonjour, bonjour Karine. Bonjour Monsieur François, bonjour Monsieur Mounou. Bonjour, bonjour Karine. Votre Karine. Émission de jardin, c'est pas une arnaque, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est gentil. Donc moi j'avais une question justement donc avec une émission passionnante sur le label rouge. À savoir, j'aimerais savoir si je plante une plante label rouge, si sa descendance, les graines, les rhizomes, etc. me redonneront une plante label rouge. Alors, la question formulée comme ça, elle est très complexe parce que au niveau des graines, c'est pas possible si vous êtes pas capable d'être sûr que vous avez la bonne variété. La plupart des graines qu'on récolte en général sont des hybrides. Pourquoi? Bah parce que simplement les insectes ont pollinisé deux plantes différentes. Il y a eu des croisements et vous êtes pas dans la lignée de la variété. Après, sur les rhizomes de dahlia. Normalement, vous aurez déjà de façon la même variété là, puisque vous faites une multiplication qu'on appelle végétative. Donc quand vous divisez un dahlia, vous avez deux dahlias d'espèces de variétés identiques. En revanche, René, le label rouge, c'est pas que ça, puisqu'on disait tout à l'heure, il y a la qualité de la production, de la manière dont on la produit. Ah, tout à fait. Ils ne passent pas leurs caractéristiques au fur et à mesure de... Ah, votre question, est-ce que ça dégénère? Voilà, après, est-ce que ça, les deux questions. Est-ce que d'abord, effectivement, la descendance, donc superbe pour les graines, on sait que la pollinisation nous empêche aussi. Et deuxième chose, donc, effectivement, est-ce que ça ne perd pas leur caractère au fur et à mesure des années? Alors, pour parler du dahlia, c'est essentiellement aujourd'hui c'est le sol qui peut être concerné par la division végétative dont parlait Patrick. Qu'est-ce qui peut arriver après à ces beaux dahlias dans votre jardin, c'est des attaques de parasites. On parlait de mulots, on va parler éventuellement de champignons et autres qui les attaqueraient, qui les dégraderaient. Mais s'ils sont en bonne santé, ils ne perdront pas leurs caractéristiques génétiques. Ouais, ça c'est un des avantages aussi. Peut-être des dahlias label rouge, parce qu'on pouvait reprocher dans le temps, effectivement, d'avoir des dahlias qui avaient tendance quand même à dégénérer. Moi, ça m'est arrivé dans le jardin, où on avait des dahlias, d'abord, bon, les fleurs qui devenaient de plus en plus petites, et puis après, il y avait une décoloration. On le voit aussi souvent avec les tulipes. Alors, il n'y a pas de tulipes label rouge, mais où on plante des tulipes un peu sophistiquées, et si on les laisse dans le jardin, 3-4 ans après, c'est devenu une tulipe banale, rouge. Oui, mais à l'origine de ton problème de tulipe, par exemple, c'est un puceron et c'est des virus derrière. Donc, c'est forcément d'origine parasitaire. C'est une attaque. C'est pas génétique. D'accord. Donc en fait, une plante label rouge restera label rouge si on garde la plante dans son le rhizome, etc. Par contre, s'il y a un intervenant extérieur, qui la dégrade, mais elle est naturellement plus résistante. C'est-à-dire que elles sont sélectionnées, les variétés, pour être plus résistantes naturellement. Donc vous avez déjà moins de chances qu'elles soient attaquées. Et les variétés, comme le disait Patrick, qui avaient tendance par le passé à se dégrader rapidement parce qu'elles étaient fragiles et surtout fragiles aux éléments extérieurs, elles ne sont pas dans les gammes. Donc vos plantes ont moins de chances de se dégrader que d'autres. Les plantes label rouge ont moins de chances de se dégrader. Mais moi j'ai une question quand même, c'est-à-dire que par exemple on va voir arriver des rosiers label rouge, il y a des variétés qui ont été sélectionnées, mais est-ce que elles seront pas forcément toutes label rouge, c'est-à-dire la variété, mettons je prends la variété X, cette variété elle est label rouge, mais si elle n'est pas produite dans les conditions du label rouge, je peux peut-être la trouver la même variété, mais d'une qualité inférieure qu'aura pas le label rouge. Complètement, tout à fait. Des producteurs qui sont pas adhérents aux différentes associations qui défendent les labels rouges ne peuvent pas les vendre avec le label. Donc vous aurez la variété, mais vous avez pas ce qui fait la qualité supérieure dans son ensemble, des pratiques culturales, des sélections, des dates d'arrachage, des façons de les mettre en vente. Donc vous voyez, Karine, il y a quand même une petite différence à ce niveau-là. Hein. Il y a la variété et il y a le label rouge. On va revenir d'ailleurs sur le gazon, parce que le gazon a cette particularité, donc on disait à la fois la sélection variétale, la qualité du mélange, et Michel, vous avez aussi au niveau du gazon, donc sélectionné trois catégories bien précises qui permettent aussi aux jardiniers amateurs de mieux se repérer. Exactement, oui. Le but en fait du label rouge en gazon, au tout début, c'est qu'à l'époque, quand on se trouvait devant un linéaire ou devant l'achat d'un sac de gazon ou d'une boîte de gazon, c'était pas évident de savoir si on faisait le bon choix. Et surtout à l'époque, on avait encore des variétés fourragères où l'objectif des fourragères c'est faire de l'herbe, qu'on fait beaucoup de tonte, etc. Donc c'est pour ça qu'on a lancé le label rouge. Et maintenant on s'applique à vraiment renouveler tout ça. Et on a créé trois types de labels rouges en gazon. Le sport, pour une identité sportive, c'est-à-dire qu'on va chercher un gazon qui va résister avant tout au piétinement, qui aura une capacité de récupération derrière ce piétinement aussi. C'est sport et jeu, ça veut dire que si on a des gamins à la maison et qu'on veut qu'ils piétinent la pelouse, il faut acheter ça. Il faut acheter plutôt ce type de mélange. On va avoir à l'intérieur des variétés qui vont être résistantes au piétinement. Après, il y a les gazons d'ornement, où là, l'objectif, c'est beaucoup de finesse, de densité, de la couleur. Vous voyez, un gros caractère esthétique. Donc là, ça va être plutôt les gazons ornements. Et après, il y a les détentes agréments qui vont être un peu polyvalents. C'est-à-dire entre les deux, c'est-à-dire vraiment le gazon polyvalent passe partout avec des bonnes notations d'une façon générale. Donc, on a toujours le mot rustique qui revient toujours. Les gens veulent toujours « Ah, je vais acheter un gazon rustique ». En fait, ça correspond un peu à ça, des détentes et agréments. Rustique, en fait, c'est le grand terme. C'est comme le gazon anglais. On dit gazon anglais quand on veut un gazon très fin. Le gazon rustique. Vous voyez, il y a des noms comme ça qui sont un peu ancrés dans la tête des gens. Mais je dirais que rustique, ça veut tout dire. C'est pour ça. Voilà, exactement. C'est pour ça. Ouais. Bah, écoutez, merci Michel. C'est avec plaisir.